what you came for. Lightning strikes every time she moves. Tu sais, j'avais l'intention de jacouille quand même. Que dingue. T'es fou. Je vais faire un peu Justin. Cédric. Non, non, mais l'ophtalmo, connard, c'est les yeux. Il voulait entrer dans le Guinness Book des records. Marie. De toute façon, moi, je sais que 4 x 5, ça fait 25. Ah, ouais. Connard, ça fait 30. Samy. Je suis pas emprisonné, t'es. J'ai mon bracelet électronique. Momo. Bon, d'ailleurs, j'ai failli être cramé à cause des flammes, parce qu'au moment, il y a des flammes sur scène. J'ai failli me faire cramer. Et Karim. T'inquiète pas, man, tu vas te poêler. Diffoul Radio Libre, tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est parti. Et jusqu'à minuit sur Skyrock, la spéciale de l'été. L'occasion de retrouver plein de moments qui ont déchiré dans l'émission. Ouais. Et une équipe qui déchire et qui est là. Bonjour tout le monde. Salut. Déchiré. Salut. Tu es déchiré, Marie. Mais ça nous fait plaisir de te voir en pleine forme ce soir. En lundi matin, un lundi soir. Oui, plutôt, oui. Un lundi soir qui promet. Je sais pas dans quel état tu seras demain matin, Marie, mais en tout cas, on espère que tu tiendras le choc jusqu'à minuit. Cabanos. Jusqu'à minuit. On est lundi, Clash de la Drague Collector. On retrouve tout à l'heure dans un petit peu plus d'une heure. Un grand Clash de la Drague pour vous. On aura également ce soir Cédric et ta visite à Jackie et Michel. Ah ouais, oui. C'est vrai, oui, t'avais fait ça. Ouais. C'est un truc qu'on a fait cette année. On t'avait envoyé à l'ouverture de la boutique de Jackie et Michel. Ah, et tu t'étais fait de nouveaux amis. Tu nous avais pas dit d'ailleurs, parce que Romano m'a avoué des petits trucs, parce qu'il m'a dit des trucs un petit peu en secret, que tu avais essayé le plus gros god, le Géronimus. Non. Ah ouais, dans mon anus. Géronimus, pour faire du bien à l'anus. Ouais. Le god de 50 cm, magnifique. Ouais. Le plus gros de la boutique. Oui, aussi gros qu'une cuisse de Cristiano Ronaldo. Même chose, c'est pas mal. Bon, dans un instant, on aura The No Life TV. Ah oui, nous envoyer un mail. Vous pouvez encore nous envoyer des mails, ça marche encore. Hein. The No Life TV qui avait un truc à nous dire, on va vous lire son mail d'ici quelques instants. Sally aussi, qui a 15 ans et qui va découvrir un truc pour la première fois, d'après ce que j'ai compris. On parlera des premières fois, donc, avec Sally. C'est bon, ça. Bah, ça dépend des fois. Bah, ça dépend avec qui, ouais. Oui, ça dépend avec qui. Ah, et on jouera un grand jeu tout à l'heure, vers la fin de l'émission. Trompé ou pas trompé. On verra ça. Soirée chaude, hein. Ça va être chaud. Et un truc hein, en particulier, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans. Est-ce que vous aimez les filles un peu plus âgées que vous? Voire même, est-ce que vous aimez les cougars? La cougar. La cougar. Eh bien, on en reparlera d'ici minuit sur Skyrock 9. Bougez pas, je sais pas si on aura le temps de se mettre un petit double appel. Bon, enfin, on en retrouvera pendant les vacances. Eh bien, attention, oui, et tout de suite, pour démarrer, eh bien, voici donc The No Life TV. Est-ce que vous êtes déjà... est-ce que vous êtes déjà tapé une honte? Une grosse honte. Ça peut arriver. Bon, j'ai le mail de The No Life TV, je vous le lis. Ouais, allez, tu vas nous le lire, moi je mets une musique d'ambiance, c'est parti. Ah, ça c'est bien, Romano, c'est bien. Allez, hop. Voici le mail de The No Life TV. Yo, les pervers. Yo. Avant tout, petite dédicace à mon chauve préféré, Romano. J'ai eu un problème. Yo à toi, No Life. J'ai eu un problème avec ma belle-mère. En fait, mon père est routier et ma belle-mère m'a vu en train de me masturber. Maintenant, à chaque fois que je la vois, je suis très gêné car elle me regarde bizarrement. Attention, elle a 22 ans et mon père en a 43. J'en ai 15. Je me demande si elle a envie de moi car bien souvent, elle vient dans ma chambre, elle m'observe et tout. Bise les gars. Ça ferait plaisir que vous m'appeliez, mais t'as pas laissé son numéro. Allez, Mano. Mano. Mano, ouais. Non, mais tu te fais une alu, ouais. Voilà donc le mail que nous a laissé The No Life TV. Pourquoi Marie se fait attends, à moins qu'elle soit complètement détraquée, je vois pas. Il y en a. Il y en a des détraqués. Il y en a des malades. T'écoutes l'émission le jeudi soir, Marie? Oui, Le jeudi soir, on a des détraqués. Je suis d'accord, mais enfin bon, à moins qu'elle soit complètement détraquée, je pense que simplement elle veut être un peu pote avec toi parce que t'es. Mais c'est quand même la honte de se faire choper en train de se branler, je veux dire. Ouais, moi, c'est vrai pas non plus. Ah ouais, non, mais même que ça soit. Ouais, les parents, les beaux-parents, horrible. Mais tu t'es fait choper en train de te branler, non? Non, pas tout à fait, parce que moi, en fait, j'ai fait la technique que j'ai très mal au ventre. Oui. Il s'est plié dans son lit. Ah. Non, mais en fait, j'étais en train de me pogner bien comme il faut. Mmh. Bien fort, quoi. Mais j'avais la couette sur moi. Et là, donc elle a pas vu ta bite. Non, mais en fait, ouais, mais tu sais, j'avais fait. De toute façon, il lui aurait fallu des jumelles. Non, mais en fait, moi, quand je me branle, tu sais, je soulève la couette avec l'autre main. Mais c'est compliqué, ça. T'es pas à l'aise, tu fais comme ça. Si, si, non, je. Pourquoi tu fais pas avec tes genoux? Bah, parce que j'aime pas. Ouais, ce que j'allais te dire, ouais. Non, bah, j'aime pas. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Bah, si, ouais. En fait, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il avait pas eu l'idée, en fait. Non, mais ouais, mais je sais pas, non, mais. C'est simple. Non, j'aime bien parce que tu sais, moi, je me tire le t-shirt parce que je me jute dessus, quoi. Ah, putain, en plus, il est en train de nous faire le. J'ai envie de vous dire bon appétit d'ailleurs. Ah, bon appétit, sympa. Merci. Bon appétit. Et en fait, bon, ce qui se passait, c'était donc j'avais ma main qui soulevait la couette, je me branlais. Et ma mère, à ce moment-là, genre elle rentre et moi je fais oh, oh. Genre, putain. Mais je suis sûr parce que je suis sûr elle a fait une tête chelou, tu vois, et je suis sûr qu'elle a su que je me branlais. À mon avis, elle devait le savoir. Mais elle, bon, elle m'a jamais rien dit et c'est pas Très voilà, mal. Elle a rien dit. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mieux. J'ai rien dit. Ah, tu t'étais en train de te toucher. Non, non. Mais c'est plus discret, les filles, hein. Non, mon fils. La gueule de Deepool. Non, mais je suis arrivée complètement par hasard. Dégoûtée comme il était sous la couette, j'ai rien vu. Bon, chérie, maman va te faire un petit bisou. Non, mais j'ai rien vu. Mais j'ai compris, j'ai vu sa gueule, j'ai capté direct, j'ai fait demi-tour. Je me suis tirée. Il t'a dit quoi? Il t'a reparlé? Mais c'était quand? C'était il y a longtemps. Bah, il vient d'afficher son fils devant toute la France. Bah, ouais. Attends, écoute, ça arrive à tout le monde. Oui, oui, c'est naturel. Non, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bah, oui, Toto, c'est pas grave. Là, la Marie, il faut arrêter de l'afficher là. Ouais. Tout, là, c'est encore pire. Vous savez qu'il a une toute petite bite. Mon fils. Et il est précoce en plus. Non mais t'es dégueulasse. Pas comme moi. Ah ouais, comprends. Non mais okay. Vous êtes dégueulasse. J'en sais rien. Se branler. Mais j'ai pas fait exprès. Je suis arrivé dans le salon. Il est pire dans le salon. Vous êtes déjà fait choper en train de vous faire, en train de vous branler. Vous faites si. Karim, t'es déjà fait choper en train de vous branler? Ah non, jamais, jamais. Comment t'aurais réagi si ta mère était rentrée ou mieux ta grand-mère? Moi j'aurais fugué. Hanna, hein? Je serais parti. Mais moi, sur la vie de ma mère. Mais moi, si il se passe un truc comme ça, je pars de chez moi pendant 3-4 jours. Je reviens pas, gros. C'est encore pire. Ah non, mais trop. Non, la honte. Je pourrais pas la regarder dans les yeux, gros. Et toi, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît? Non, moi, y a rien, moi. Ah, bah écoute, tant mieux, parce que j'ai vu quelques personnes qui. Ah, bah, tu vois, on entend des auditeurs qui sont malades à la suite de la question. Le public a un truc, là, un problème. Samy? Putain, ça m'est jamais arrivé, gros. Moi non plus, jamais. Bah, ouais, c'est mieux. Moi, je préférais genre que ma daronne, elle me crame en train de niquer plutôt qu'en train de me branler. Ah, je pense que les deux, ça se vaut. Ouais, moi, je suis pas. Non, moi, je préfère que elle soit en train de niquer. Moi, je dirais personnellement. T'es en levrette, t'as la vue sur ton trou du cul, bon, c'est comme. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Si elle rentre, elle voit la pleine lune, bon. Bon, c'est pas top non plus. Allez, vous nous faites signe, vous nous dites. Tapatam. Qu'est-ce que je reçois comme message? C'est Rihanna ou Beyoncé? Un message de ta mère, imaginez. Oui, je t'ai déjà cramé. C'est. Ah merde. C'est maman. C'est maman. Mais tu ne le sais pas. Oui. Oui, effectivement, ouais. C'est elle, elle m'a envoyé. J'ai bien vu ta lune, magnifique. Oh, merci maman, c'est très sympa. Tu as un beau trou du cul, mon fils. Oh, merci beaucoup, maman, je t'embrasse. Ma mère écoute souvent l'émission Astrocien. Bon, allez, c'est parti donc avec. Vos réactions là-dessus, on va en reparler, mais on va également accueillir vous tous, vous toutes ce soir. Et je ne vous ai pas dit qu'on parlerait de porno ce soir. Ah non, pas encore. Ah, les gros coachs. Ah, bonne nouvelle. Romano, absolument, qui réagit tout de suite. Évidemment. Cédric qui fait oh. Bah attends, bonne nouvelle. Voilà, spécialiste du porno, Cédric, depuis qu'il est à Jackie et que t'es allé à Jackie et Michel. Bah t'inquiète, je suis dans la place, on va dire. C'est ça. Oula. Je me suis introduit dans le milieu. Très bien. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Un petit jeu de mots, quoi. Là, pour la suite, eh bien, on a Sally. Et oui, c'est Sally qu'on va prendre au téléphone avec nous. Salut, Sally. Bonjour, Sally. Bonjour. Bonjour. Salut. Eh ben, ça va bien. T'es parisienne, toi? Non, ouais, je suis parisienne, mais pour Marseille, hein, pas pour Paris. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, tu habites à Paris, mais tu es pour Marseille. Putain. Voilà, t'as tout compris. Marseillaise de cœur. Bon, alors, Sally, en direct avec nous, et donc à Paris, et t'as 15 ans, Sally, tu nous appelais pour un truc un petit peu particulier. Une première fois dans ta vie. Ouais. C'est bien une première fois. Bah ouais. Eh ouais. Allô? Oui, allô, Sally. Ouais, attends, avant de commencer, votez Cédric hein, pour le classe. Oh là là, merci. Allez. C'est trop magnifique, t'es sublime. Franchement, t'es... C'est le plus beau. Ah ouais, c'est j'ai jamais vu si beau. C'est peut-être ta première fois chez l'ophtalmo, non? Non. Première fois qu'elle va voir. Merci, gros. C'est pas ma première fois que je vais avoir des lunettes. Non, Deepool, t'es vraiment magnifique. Merci, Sally. Ah bah oui, t'étais donc quand même dans le même sac que c'était. Oui, mais bon, ça me fait toujours plaisir, un petit compliment. Tu sais, il faut les prendre, les compliments.

21h minuit. Radio Libre. Radio Libre sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Oh là là, et quelle soirée. Tout à l'heure, avant minuit, on retrouvera Pamela, les collecteurs de Pamela à la demande générale. Je vous en parlais la semaine dernière. Les meilleurs seront là ce soir. Elle est en train de se préparer en coulisses. Bon, on va pas vous cacher qu'il y a un peu de boulot. Oui, on a nos amis portugais qui sont venus lui raveler la façade. Ah, elle est excitée ou pas? Oui, très, mais elle se fait maquiller, met en beauté, tout ça. C'est moi qui l'excite. Ah, je crois que c'est ça. Très excitée par Cédric, entre autres. Salut les filles. Eh oui, salut Pamela. Bon, les filles, tiens, justement, on parlait d'une fille. On a Sally là qu'on va prendre au téléphone avec nous. On aura Julien et Sylvia d'ailleurs qui viennent témoigner. Un couple qui arrive pour témoigner sur les histoires de différence d'âge. Et dans un instant, on parlera des prises en flag quand vous êtes en train de vous branler, de vous toucher. Troll enfer. Ou de faire un truc un peu. Là aussi, t'as l'air d'un con quand même. Moi, c'est quand je me godais. Ma mère est rentrée. Ah non, mais là, elle m'a pris le god, elle l'a mis pour elle. n'importe quoi. Quelle horreur. Mais j'étais trop jalouse. Elle m'a volé mon god. T'arrives. Oh là là. Oh là là. Bon. Alors, on a... Oui, donc Sally, on parlait avec toi là il y a un instant. Alors Sally, avant de te présenter le couple, Julien et Sylvia qui arrivent, faut quand même résumer ton histoire pour ceux et celles qui sont arrivés un petit peu en retard. Donc Sally, toi, tu es tombée amoureuse. Faut quand même expliquer que quand t'es tombée amoureuse, le mec, il avait 28 ans et toi, à l'époque, t'en avais 14. Oui, bon, c'est déjà, ça. Tu l'as trouvé chelou, il avait un imperméable quand il est venu sur la plage. 14 fois 2, Marie égale. Avec des lunettes. 14 fois 2, Marie. Mais non. 14 fois 2. Vas-y. Alors, il avait pile... Le double de ton âge. Eh oui, 28 ans donc. Et ouais. Et donc bon, il t'a dragué. Après, il a appris que t'avais, que t'étais un peu jeune par rapport à lui. Il a laissé un peu tomber, puis il est revenu. Puis maintenant, vous êtes ensemble. Bonjour petite. Bonjour. Il est avec nous d'ailleurs ce soir. Bonsoir. J'ai des. Non mais il écoute en fait. Hein. Il écoute en plus. Bonsoir. Et ben on le salue. Salut à toi. Bon, il y a des histoires d'ailleurs. Dans un instant, on va te présenter un couple assez exceptionnel qui va te donner de l'espoir. Et attention, le couple extraordinaire arrive. Il arrive, il est là. Le couple, je te le disais il y a un instant, il s'agit de Julia et Sylvia et nous allons jouer au jeu de la différence d'âge. Oui. Alors peut-être que Julia a un an et que Sylvia en a 25. Ah, putain. Voilà, pourquoi pas 6 mois. Ouais, 6 mois et 60. Mais tout est possible. Hein. Tout est possible. Oh, bah non. Tout. Bon, Sylvia, on te garde. On vient juste à No Life, No Life TV, c'est son pseudo, qui nous a envoyé tout à l'heure un mail sympa comme tout. Alors, le mail sympa comme tout, c'est toujours marrant quand tu le lis parce que bon, tu te fous de sa gueule à No Life TV. Bah, forcément, excuse-nous. Oui, tu te fais choper à branler, ouais. Moi, rigolo quand ça t'arrive quand même. Hein. Ah, mais c'est clair. Ouais. Et oui, c'est quand même beaucoup moins drôle. Donc, on va donc retrouver tout de suite No Life TV. Action, est-ce que vous nous avez dit là-dessus, Romano? Tiens, toi, ouais. Tu t'es déjà fait choper. Enfin, oui et non, tu t'es fait choper en train de te branler. Oui et non, parce que ta mère est rentrée au moment où tu te branlais, mais ton zizi était trop petit. Elle l'a pas vu ton zizi. Non, c'est ça. Cédric, non, jamais. Ah, mais c'est marrant, chaque fois que je parle de tes branlettes, Cédric, il y a des bruits. Alors, bizarre, Cédric, était branlette. C'est dingue, ça, vous avez entendu? Bah quoi. Bizarre, hein, quand même. C'est fou. Hein. Je vais faire un test. Cédric, branlette. C'est la vision automatique. Quelle horreur. T'es con. Bon, toi non jamais, Samy jamais. Non, jamais gros. Marie, non, moi, en train de faire l'amour, t'as chopé ton fils. Ton gosse, c'est déjà ça. T'as de la chance. Ouais. Et Karim jamais non plus, sinon tu serais parti de chez toi. Ah, j'aurais fugué. Ouais. Mais t'es j'aurais fugué. Alors plusieurs messages que vous nous avez laissés, on vous a demandé, vous êtes tapé des hontes mémorables avec vos parents, notamment des hontes à ce niveau-là. Mylène nous a laissé un message, elle nous dit oui, je regardais des films X et ma mère est rentrée. Je me serais enterré si je pouvais, mais dans le parquet, c'est pas facile. Ah ouais, ouais. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Ça fait tellement honte. Moi, je suis déjà. Ah, tiens, une honte, mais dans le sens inverse. Je suis passé devant leur chambre, la porte ouverte. Ils faisaient un 69, ils pensaient que j'étais déjà parti. Oh, dégueulasse. Tournevis, qui nous laisse un message. Oh, la vision. Bon appétit, bien sûr. Ouais. Moi, c'est mon père qui me tape la honte tout seul, puisqu'il imite l'accent ch'ti dans un supermarché. J'ai envie de me cacher. Ah. Message de Andrea. Bon, des messages que vous nous avez laissés. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma bouche? Je me suis fait choper genre deux fois par ma mère et trois, quatre fois par mon père. Bravo. Ah ouais, putain, mais toi t'as un petit a priori. Non mais tu fais ça où, dans la cuisine? Non, dans le salon. Dans la chambre. Ah, dans la chambre. Dans la chambre. Il faut se foutre dans la salle de bain. Genre chez moi, il fera pas la porte quand... En plus, tu vois, j'avais... Bloque la porte. Ans, hein. Hein? Bloque la porte. Bah ouais. Ouais, non, ou alors tu vas dans un salle de bain. Ce que tu fais, c'est quand c'est que tu vas te branler, ce que tu mets, c'est une petite cale là dans la porte en bas. Cédric, il me tient une armoire. Ouais, j'ai une armoire, mais tu sais, un petit morceau de, tu sais pas comment. Bon, donc t'étais dans ta chambre, mais si on a compris, Cédric, un petit truc de. Non, moi j'aimerais bien qu'il nous explique. J'ai pas trop compris. Non, mais tu sais, tu peux. Non, elle en a pour une demi-heure là, Romano. Tu sais, tu peux mettre. Non, mais tu peux mettre une serrure. Clic, clic. Ouais, mais c'est plus compliqué d'installer une serrure. Si tu veux. Non, mais sinon, simplement, tu te branles debout, tu bloques la porte. Eh ben, j'aime pas me branler debout. Ouais, moi non plus, mais moi je me branle toujours dans mon lit. Voilà. Tranquille pour ou être sur mon canapé ou sur une chaise de bureau président. C'est... Et donc toi, Babouche, mais comment tu fais pour te faire choper? Donc t'as dit deux fois par ta mère, trois fois par ton père. Ouais, mais c'était genre il y a deux ans. Ouais. Du coup, depuis, je me suis pas fait choper. Genre j'ai la technique, c'est... et tout. Mais genre ça s'est passé. Ah bah il était temps que tu l'aies la technique. Mais cinq fois. Ça s'est passé comment? Genre ta mère, elle a ouvert la porte, elle a hurlé, elle a refermé. Non, elle a pas hurlé. Ma mère, c'est la seule à m'avoir expliqué. Enfin, elle a eu le temps de parler avec moi. Mais tout. Non, mais c'est pas comme ça qu'on se branle. Oh non. Dégueulasse. Mais oui, regarde, tu le fais mal. Oh, mais c'est idiot. Oh dégueulasse. Prends la mieux. Plus vite. Mais, ah ouais, donc ta mère, mais toi quand tu te branles, t'es sur ton lit sans couverture. Ouais. D'accord. Non, en fait, quand ma mère, c'était sur le canapé. Genre, il n'y avait personne chez moi, du coup, elle rentre à l'improviste. Mais toi, t'avais quoi? T'étais pas à poil, t'avais le fut baissé, non? Ouais. Ou tu sortais juste la bite, genre par le calbar. Ouais, voilà. Par contre, Ouais, mais bon, oui, de toute façon, si elle arrive, coup, avait, derrière, t'es comme un con quand même. Quoi qu'il arrive. Ouais, du coup, il n'y avait pas de moyen d'esquive et tout. Non, et là, ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère? Parce que même, tu te mets à la place de ta mère, ça doit être gênant de voir ton fils en train de se branler. Non, ouais, en plus. Surtout que je suis musulman, moi, donc. Tu as une bite comme les autres. Tout le monde se branle, là. Ah, oui, non, mais ouais, je pense que peu importe la religion. Oui, c'est clair. T'es jamais super à l'aise. D'ailleurs, non, mais je pense que j'ai des potes, ses parents, ils s'en foutent. Enfin, pour eux, c'est normal, quoi. Ah ouais, tu penses que c'est plus serré dans ta famille? Ça passe pas comme ça. Bah détrompe-toi, parce que tu sais, le plus gros branleur de l'équipe, c'est quand même Momo. Le mec arrive même à se branler sur des sites de rencontres pendant l'émission. C'est trop bon. Et donc, tu nous as pas dit ce qu'elle t'a expliqué, ta mère, quand elle t'a chopé en train de te branler, Babouche? Bah genre, elle essaie de me dissuader un peu, je sais pas pourquoi en plus. Enfin, je trouve ça normal, moi. Ah, c'est-à-dire qu'elle t'a dit, c'est pas bien mon fils, tout ça? Non, elle m'a dit, ouais, il y a un âge pour tout, tu sais pas ce que tu fais et tout. Ah bah t'avais quoi? T'avais quel âge à l'époque? 15 ans? Non, j'avais 12 quand c'est ma mère. Ah ouais? Ah ouais, ça doit être surprenant. Ah ouais, c'est donc vrai que t'es daronne, tu vois ton fils de 12 ans en train de... Ouais, bon. Enfin bon, c'est la vie, hein, après tout. C'est ça. Ouais. Tu sais bien que ça... Je sais pas à quel âge tu t'es brûlé la première fois, toi, Romano. Je sais pas, 11, 12 ans, mais moi j'ai mon neveu qui a 10 ans. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, cet été, le grand-père, il a été choqué parce qu'un jour, il va le voir, il fait, ouais, papy, tu t'es déjà masturbé. Oh non. Oh non, il a dit ça? Ouais, et le grand-père, il fait... Tu réponds quoi? Non, mais il lui a dit, tu sais, mais comme il m'a dit, il me fait, ouais, j'étais, tu sais, ça l'a tellement surpris. Ouais, interloqué. Il dit, je t'en pose des questions. Et après, il a insisté, il fait, papy, tu t'es déjà masturbé? Eh, papy. Putain, à 10 ans. Et donc, le grand-père. Je sais pas, il a dû en parler dans la cour avec ses potes, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai trouvé ça chelou. Moi, j'ai jamais été demandé à mon papy. Ouais, le terme, ouais. Moi non plus. Mais c'est les petits d'aujourd'hui, ils sont comme non, ça. Non, mais ouais. Non, mais tu sais que petit, quand t'as même un an, tu te tripotes la nouille, hein. Ouais. Quelque part, c'est la masturbation. Et après, il a dit, je l'ai déjà fait une fois. Qui? Ah ouais? Ouais. Oh, non. Et après, bon, ça s'arrêtait là. Il a dit, allez, va te coucher, allez, va manger. Casse-toi, va jouer, hein. Allez, ça va chier le gosse. Bah, donc, ta mère, elle a essayé de te dissuader. Et quand, je sais pas, quand ton père il t'a chopé, quelle a été la réaction de ton père? Ouais, mon père, c'est genre, il sort direct de la chambre. Par contre, je peux plus le voir pendant, genre, j'évite le regard et tout pendant une minute. Ouais. Enfin, non, mais c'est mec. Vrai, ça je comprends que t'as honte. Ouais. Ah, ça me c'est clair. Ah, mais non, mais oui, évidemment. T'as c'est honte. Clair, mais je pense que t'as moins honte. Enfin, toi, t'es un mec vis-à-vis de ta. Ton père, ouais. De ton père, ouais. Oh, ouais, ah, non, ouais, non, ouais, non, moi j'ai honte quand même. Ouais, c'est honte quand même, quoi qu'il arrive. Ouais, ma mère, j'ai esquivé. Ouais, ta mère, c'était. Ah, ouais. Bon, bah écoute, c'est marrant cette histoire. Donc, si vous avez d'autres témoignages là-dessus, on vous attend. Bah, on prend. On vous attend en direct, oui, en direct. Et avec vos messages, il y en a plein qui sont presque fait choper. Ils font ça sous la couette en général, regarde. Il y a le masque masqué. Bonjour le masque masqué qui nous a laissé un SMS. Salut le masque masqué. Moi, ma mère est déjà rentrée quand j'étais en train de me branler, mais j'étais sous les couvertures. Donc, tranquille, ni vu, ni connu. Ouais, bah ça c'est pas mal comme ça, ouais. Il y a Props aussi qui disait exactement la même chose. Moi, c'est déjà arrivé à mon frère. C'est déjà arrivé à mon frère, mais il était caché sous son lit. Sous son lit, tu veux dire sous les couvertures peut-être. Ou alors il se branle sous son lit. Sous son lit, c'est pratique, c'est discret. Ça fait comme une maison, il y a un toit. Ouais, c'est bien, ouais. C'est puis pas ta mal. Mère, elle rentre à ce moment-là, elle te prend pas pour un dingue. Qu'est-ce que tu fous sous le lit? Oh, ouais, bah, je branle, ça. T'inquiète. Anthony du 31, 28 ans qui dit ma grand-mère m'a grillé en train de me prendre une meuf en levrette. Quand elle a ouvert, je me suis retourné par réflexe. Et elle m'a sans doute vu avec le barreau, la honte. Ah, oh, tu m'étonnes. Oui, ça, c'est la mamie. Oh, le choc. Le chibre surtout, oui, surtout là, ouais. Dans ce cas-là. Bon. On y reviendra tout à l'heure. Merci pour le témoignage, Babouche. Merci. Il y a Raph aussi qui s'était fait choper par deux fois par son père, une fois par sa mère. Un paquet, hein. On l'a versé Raph du 78. Plein de messages. T'as eu plein de messages, Marie. Ah putain. Ah, ça défile un truc de dingue. J'adore. J'adore quand ça m'enfile aussi. Bien sûr. Marie, c'est très très mignon et romantique. Si vous voulez envoyer des messages qui m'enfilent. Tu as vraiment la classe, Marie. Merci. Alors, on en était où là? Tiens, ah oui, notre couple. Je vais vous présenter notre couple maintenant. Attention. On va faire rentrer Julien et Sylvia là avec nous. Bonjour tous les deux. Bonjour, ça c'est Julien. Ouais. Salut les jeunes. Ouais. Salut, ça va ou quoi? Salut à vous. Alors toi, je vais donner ton âge. Je donne pas l'âge de Sylvia. Toi, tu as 28 ans, hein, Julien.

Oui, c'est nous. Ben, ouais, je peux passer une dédicace. Et tu peux passer une dédicace. Vas-y. Ouais, je passe une grosse dédicace à vous parce que ça fait. Une grosse dédicace. Longtemps. Ouais, ça fait super, super longtemps que je vous écoute. C'est gentil, Sally. Et tous les matins, tous les soirs, je suis là. On t'a jamais appelé pour les 1500 euros, toi, Sally? Non, pas encore. Hein, tu sais que ça arrive. Peut-être demain matin. Ouais. Moi, j'attends de m'appeler un matin. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, moi je serais pas tiré au sort. Parce que tout le monde peut être tiré au sort. À partir du moment où t'as un portable ou un fixe, tu peux être tiré au sort. Bah ouais. Un jour on va m'appeler, moi je pense. Ah bah c'est clair. C'est bientôt les vacances. Je pense que ça va pas tarder. Mais c'est pratique, tu vas te parler à toi-même. Imaginez le nombre de chèques qu'on a offert. Ah bah ouais. Ça chiffre en millions d'euros le machin. Bon, on peut s'arranger. Cédric, demain vas-y, appelle-moi pour voir, on fait un test. Ouais, pas de soucis, ouais. Pourquoi tu veux faire un test? À 7h. Ouais. J'oublierai pas. Ok, merci. Non mais Cédric, ça sert à rien parce que demain l'émission à 7h, il y a pas. Ah bah ouais, chien, mais c'est lui qui attendra. Et oui, il y a pas les 1500 euros, les 1500 euros sont de retour à la rentrée. Voilà, mais je suis complètement cuillon. Non mais laissez attendre. Mais en tout cas, entraînez-vous pendant cet été puis vous nous envoyez vos si vous voulez qu'on vous appelle le matin, vous nous envoyez ça sur l'appli. Sur l'appli par l'appli, ouais, vous pouvez, il y a le formulaire, tout ça. Hop. Voilà, par exemple, voilà, il y a plein de moyens de s'inscrire. Les 1500 euros sont de retour évidemment à la rentrée. Quelle est votre radio préférée? Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Bravo. Bon, là, on a ça. Merci, Marie. Bravo. C'est bien, vous êtes fort. Samuel, on va te retrouver dans un instant. Alors, Samuel, toi, on va parler d'un. Ah oui, de petits films que tu fais avec ta copine. C'est ça, tout à fait. Oui, nous avons un acteur en ligne alors. Un comédien. Ouais. Des films un petit peu particuliers. Bon, vous imaginez ce que c'est, j'imagine. Ouais, des. Avec ta copine, oui. Des sextapes. J'ai une petite idée. Tu fais des sextapes, voilà, Samuel. On va dire toi. Ça comme ça. Ah, c'est marrant ça, des sextapes. Vous avez déjà fait des sextapes avec vos partenaires réciproques, Marie? Ouais, mais ça a été effacé immédiatement. C'est bien dommage, dis donc. Parce qu'on aurait bien aimé les publier ce soir pour en parler. Ouais, bah c'est ça, t'as raison. Tu fais des sextapes, mais tu fais comme dans les films de cul, c'est pareil? Non, mais je fais pas des sextapes, ça m'est déjà arrivé de. Qu'on se filme comme ça pour le délire, quoi. Voilà, mais tu te filmes, tu fais quoi? Tu tiens ouais, le tient téléphone. Ouais, bon, on se démerde. Hein. Ou alors le poses et tu te filmes ou tu te non, mets, mais c'était un caméscope. Tu mets un caméscope. Ah ouais, mais toi, c'était un caméscope. Caméra et compagnie, quoi. Ah, c'était ouais. Longtemps. Hein. Mais il y avait quoi? Il y avait une équipe de tournage et tout? Non, mais ça va pas, non. En fait, Marie, elle a travaillé pour Jackie et Michel. Ouais, bien sûr, t'as raison. T'as jamais pensé à aller travailler pour Jackie et Michel avec ta copine, Samuel? Non. Les petits films que vous faites, c'est juste pour vous. Vous les montrez à personne, c'est juste pour. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant. Pourquoi tu dis pour l'instant? Parce qu'on aimerait devenir acteur. Ah ouais, donc genre en couple. Quand je parle de Jackie, ça va mieux. Jackie et Michel, je suis pas si loin que ça en fait. Ah, puis Jackie et Michel, franchement, c'est l'autre gamme. C'est la classe. On va venir faire une sextape au studio. Ah bah écoute, si vous voulez, nous on filme, nous on regarde, il n'y a pas de problème. Mais c'est du coup, il a dit on regarde. On est regarde, on se branle. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais, on se branle tous ensemble. Super. Tu vas être un moment en caméraman. Ah non, bah moi c'est non. Ouais, non, mais laisse tomber, moi je viendrai pas, moi. Non plus, jamais. Bon, restez bien à la radio libre, jusqu'à minuit sur Skyrock et le clash qui arrive, attention. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning de Difool. Mais oui. Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Des rencontres sympas, la belle histoire tant attendue, le grand amour, Love au 62070, des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Love, L-O-V-E au 62070, du chat, par SMS, facile et sans engagement. Love au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Vous, les virtuoses de l'autoportrait, les spécialistes des moues boudeuses, les magiciens de la contre-plongée, vous, les pros du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store.

Bon, vous préparez pour le clash, c'est dans un instant. Oui. Le clash de la drague de soir. Faites-nous rêver, s'il vous plaît, pour ce lundi, mais ça va du bien. Bah, t'inquiète, on va te faire rêver, bébé. Pas bon, de souci. Alors, on va parler des hontes au bahut, parce que même si c'est les vacances, on a parlé de plein de trucs de bahut, et c'est vrai que ça rappelle plein de souvenirs, notamment quand on est en vacances, on se dit putain, qu'est-ce qu'on a galéré quand on était au bahut. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, on parlera de hontes qu'on se tape au bahut. Qu'est-ce qu'on fera d'autre, Jackie Michel, je vous l'ai dit. Et puis, ah bah, tiens, on va reprendre Samuel, là. Samuel qui est toujours là avec nous. Alors, mais Samuel, vous expliquez, il a envie de faire des films de cul. T'as vraiment envie de faire des films de cul, toi? Ah, t'es un malade. Oui. Pourquoi tu dis t'es un malade, Romano? Faut respecter un peu les autres. Non, mais je respecte, hein, perso. Toi, t'as eu envie. Regarde, est-ce que quelqu'un te fait des remarques sur ton envie de t'être fait tomber les cheveux? Non, mais c'est une maladie. Hein. Non, pardon, excuse-moi, c'est une maladie. Tu mets tout le monde en bad, ça. T'as une maladie des cheveux. La calvitie. La calvitie. Une maladie, ouais. Une maladie des cheveux. Bon, personne t'a jamais critiqué parce que t'as fait tomber tes cheveux. Ouais, non, mais là, c'est pas du tout pareil. Moi, c'est pas un choix de vie, hein. Samuel, pas choisi d'être chauve. Samuel non plus, c'est juste pour se détendre. Ouais, mais bon, se tendre un peu aussi. Surtout. Ouais, mais il faut penser à tous les problèmes que ça peut entraîner derrière. C'est surtout qu'on est dans un couple libre, déjà. Ouais. Ça veut dire quoi, être dans un couple libre? Bah, c'est-à-dire que je peux coucher avec d'autres personnes. Et elle aussi? Ah bah c'est gentil. Elle aussi. Donc tu tolères qu'elle aille par exemple te dire, bah aujourd'hui je me suis fait sauter par un mec, je suis sorti, et voilà. Ou sinon on fait des plans à quatre, carrément. Et sinon tu fais des plans, ouais, vous êtes avec vraiment un couple libre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux là? 4 ans et demi. Et écoute, si le couple tient le choc. Si ça fonctionne comme ça. Et si ça vous plaît à tous les deux, c'est bien, hein. Bah c'est clair. Bah ouais. Si ça convient à tout le monde. Marie, t'es contente? Je suis contente, pour toi, si ça te fait plaisir. Là, bah, du coup, on fait des vidéos amateurs et on aimerait vraiment percer directement dans le métier. Mais t'as une famille. Non, franchement, c'est le premier truc. Non, mais après, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le problème qu'il y a, c'est que les vidéos, tout le monde pourra tomber dessus. Et ta famille, par exemple. Après, peu importe mon choix de vie, c'est mon choix de vie avec elle. Donc, admettons, vous découvrez que vos parents, ils ont fait des vidéos de cul. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Karim? T'es choqué? Oh, mais horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? T'es fou, quoi. Mais faut pas dire des trucs comme ça, c'est je pose une question. Ah non, mais tu t'as des questions bizarres, toi. Bah, c'est pour Samuel. Alors, admettons. Ah, moi, je m'embrouille avec eux, moi. Toi, tu t'embrouilles avec eux. Ah, mais je leur dis, mais vous êtes complètement sales, les vieux. Non, mais ils ont fait ça il y a longtemps, quoi. Ah, mais je fais, vous êtes des sales. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, tu leur en parles, toi? Ah, non, mais si je les vois, tu sais, moi, je pourrais pas le cacher, ça me dégoûterait. Ah, non, mais moi, je leur en parle pas, moi, t'es fou. Ah, je pourrais rien. Ah, non, je pourrais pas vivre avec ce secret. Dans ton coin. Ah, ouais, c'est un secret story pour le dire. Ouais. J'ai vu un film de cul de mes parents. Mes parents sont hardeurs. C'est ton secret dans le. Oui, et moi, je ferai la voix. Oui, quel est votre secret, Romano? Mes parents sont hardeurs, monsieur la voix. Super. On peut faire une partouze. Oh non, ça va aller. Parce que j'ai une grosse voix, mais j'ai quand même une grosse bite. Ah putain, moi je pourrais pas le. Non, mais si ta mère, elle est actrice porno, ton père, tu sais pas qui c'est, à mon avis. T'imagines la meuf, elle se fait baiser toute la journée. Elle peut se faire engrosser n'importe quand, tu vois. Ouais, j'espère quand même qu'ils prennent un minimum de précautions, quoi. Oui. Ouais, bah oui, quand même. Alors, tiens, c'est bien parce qu'il y a eu plein de réactions déjà. Moi, j'ai honte et je change mon nom de famille. Le message de Axel Sabi de Haute-Loire, 16 ans. Salut à toi. Tiens, j'ai une solution. On va peut-être te rappeler. C'est qui? Yanis qui nous laisse un SMS. On va te rappeler, Yanis. DJ Sniper, moi, je leur parle plus et en plus, c'est Hlam. C'est quoi ton nom d'acteur? Je leur défonce la gueule. C'est quoi ton nom d'acteur porno? T'as déjà trouvé un nom? C'est Farfadet. Farfadet? Mais c'est pourri comme nom. C'est un peu quoi. Et ma copine, c'est la troll. Farfadet et la troll. C'est original au moins, ça sortira. Ouais. Non mais Farfadet, c'est Farfadet, quoi Farfadet, ouais. Non mais sinon ça va pas du tout. T'aurais dû prendre Samuel la poutre. Samuel la poutre. Ouais, tu vois, ça passe bien ça. Tu vois. Sam la poutre. Ouais, Sam la poutre. Mais bon, nous on avait vu avec. Ouais, il y avait pas toute l'équipe encore avec Marie et Difool. On était allés, là, on avait été invités à une soirée là de. Soirée cul. Bah, c'était soirée haute vidéo en fait. Ouais, c'était les hautes vidéos Ward un peu. C'est ça, c'était les outdoors. Ouais, là c'est ça le nom. Ouais. Mmh. Et là-bas il y avait toutes les stars. Ah bah on en a rencontré un paquet. Tu sais, les mecs, genre. Et ça baisait, genre, dans le truc? Non, il y avait des soirées après où. Ça tringlait, a priori, à tout va, quoi. Ouais. Mais genre, on avait rencontré un mec qui s'appelait Marc Barrault. Ouais, parce que le mec. C'est vrai, parce que le mec, il avait un gros barreau. Un barreau de chaise. C'est vrai, je me souvenais plus. Mais ouais, tu sais, le genre. Mais Marc Barrault. Et le mec, Samuel Lapote, c'est pas mal, alors. Salut, je m'appelle Marc Barrault. Barrault. Enchanté, monsieur Barrault. Salut, c'est Gérard, bras d'enfant. Non, c'est ça, Gérard Braquemar. Alors, Célib du 95 nous dit, moi, je demande l'émancipation. Timothy, moi, je défonce grave ma famille. Je suis trop choqué, je m'en remets pas de ma vie. Message de Martin. Il est fou, lui. Il aimerait que sa sœur fasse des films de cul. Non, mais tu veux pas mêler la famille, toi, tu veux juste toi et ta copine. T'es allé, voilà, déjà, si ma soeur a lancé, je lui mets des gifles. Mmh. Déjà d'une. Bah pourquoi? C'est, bah, déjà parce que déjà d'une, elle est jeune. Bah après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Quand même. Elle me demande pas son avis, mais pour l'instant, elle est trop jeune pour. Quand tu te mets à la place de quelqu'un de la famille qui te verrait en train de faire de tourner un film de cul ou sur un film de cul, ça change un peu ton avis, tu vois. Oui, mais pour l'instant, elle est trop jeune. Après, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, mais imaginons, elle est majeure, tout ça, elle veut faire des films de cul, tu lui dirais quoi? C'est sa vie. D'accord. Ah, ok, d'accord. Non, bah, heureusement encore, tu as une vie. Moi, j'en fais, donc je vais pas lui interdire d'en faire, parce que j'en fais. Ouais, après, vous pourrez tourner en famille, dirais. Et puis elle te dira, ouais, bah, je fais comme mon frère. Voilà. Ouais, si, la famille. C'est l'exemple, quoi. Moi, ça serait plus ma mère, nous dit Florian. Moi, j'aurais honte, nous dit Coco. Ah, mais moi, par exemple, je pourrais plus me trimballer avec dans la rue. T'aurais honte de trimballer avec ta mère. Non mais t'imagines, il y a un mec qui vient la voir. Ouais, super, la levrette dans ton film. Ouais, pas mal. Non mais regarde, je sais pas. Bon après, une meuf comme Clara Morgan. Oui. Bah elle a tourné au début avec son mec, hein. Ouais. Au tout début, c'était avec son mec. Ouais, non, mais d'accord. Mais ce que j'allais dire, mais tu sais, sa famille, ils ont pas dû dire, ah super, continue. Bah non, elle fait des photos avec sa sœur, je crois, avec sa mère. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient. Elle fait des photos en famille. Ouais. Ils sont comment dans ta famille? Ils sont tolérants? Ils sont ouverts? Ils sont comment? Dans ma famille, ils sont assez ouverts. Ah c'est. Bah écoute. Bah voilà. Tant mieux. Enfin, un calendrier avec papa et maman. Non, après. Après, tu peux gagner de l'argent comme ça. Hein. Un petit calendrier, calendrier familial. C'est pas les dieux du stade, c'est les dieux du Sam. Ouais, c'est ça. La famille de Sam. Farfadé. Les dieux du Sam. Farfadé la troll. Farfadé family. Farfadé la troll. Bon, en tout cas, vous le prendriez super mal. C'est pour ça que je posais la question à tout le monde. Je m'attendais à vos réponses. Ah non, il y en a qui le prend bien. C'est qui? C'est JC Poker qui nous dit, moi, je regarderai la vidéo avec eux. Voilà, c'est malsain. Non, mais c'est malsain. C'est dégueulasse. Non, mais je pense qu'il rigole quand même. J'ai déjà regardé ma copine se faire niquer. Par d'autres. Ouais, voilà. Et t'aimes bien? Parce que je vais dans des clubs. Ouais, ouais, tu nous as dit, toi, t'es libertin, bah, t'es libéré. Ça, elle se fait prendre par un mec, et moi, je me fais prendre par la meuf du mec. Hein? Attends. Calme-toi. Tu te fais prendre par la meuf du mec, c'est-à-dire. Tu peux répéter? Ouais. Tu prends la meuf du mec. Genre, couple échangiste. Mais non, mais quand tu dis la meuf te prend, c'est quoi? C'est toi, coup, tu la prends? Un coup de oui, de ceinture? Moi, je la prends moi. Ah, okay. Ah ouais, d'accord. Ah, la tête de crime. Tu m'as fait peur, gars. Non, parce que tu nous as dit que t'étais ouvert, donc on pensait que t'étais aussi ouvert par derrière. Farfadé, il prend un coup dans le pot. Là, par contre, non. Là, ça va pas le faire. Bon, les inconvénients de tourner dans un film de boule. Tiens, on fait une petite liste tout de suite. Allez, vous nous dites sur SMS, sur le net, sur le 41759, l'appli Skyrock. Et dans l'équipe. Pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est clair, non, mais l'entourage, les parents, la famille. Alors, inconvénients. Et avantage. Marie, donc tu penses l'entourage, la famille. Ouais, la famille. Ah, mais moi pareil. Ouais, premier truc auquel je pense moi aussi, c'est la famille, les parents. Ah, ouais. Oh, ma mère. Non, mais même dans ton quartier et tout, tu vois, tout le monde t'imagine, les gens ils tombent sur ta vidéo. Ouais, mais si tu perds, c'est que tu fais de l'oseille, tu vois, les gens ils te respectent. Ouais, mais c'est mal payé. Ouais, c'est mal payé, hein, le mais si tu deviens une star par exemple. Ah, il y a une idée qu'on nous donne pour pas te faire reconnaître, tu peux baiser avec une cagoule. Farfadé la cagoule. Ouais. Farfadé cagoulé. Non, mais j'ai déjà fait avec la cagoule. Là, avec le masque de tête de mort. Un masque de tête de mort pour fêter Halloween. Ah ouais, c'est sympa. Et ouais. En plus, j'ai le t-shirt Planète Rap. Waouh. Donc je pourrais même faire et vous envoyer directement par mail la vidéo. Ah bah tu nous l'envoies, on montrera à Fredo qui sera très content. Il sera content, ça. Ouais, faites ça ce soir, vous nous l'envoyez là. Ouais, vous nous envoyez ça. Bien sûr. Il y a Le San qui se fait pas mal d'argent. Il dit, moi ça paye bien, je fais ça depuis 3 ans et c'est au top. Bah laisse-nous ton numéro de téléphone, c'est Le San et pas Le Sale. Le San. Les gens de ton entourage, il va falloir les assumer après. Il y a l'incognito qui dit, les gens qui t'entourent ne te voient plus pareil. Ça c'est sûr. Tu peux devenir célèbre parmi les avantages et être payé en prenant du plaisir. Message de Team Romano O. Salut à toi, Team Romano O. Ouais, quoi, il y a d'autres moyens de devenir célèbre qu'en baisant devant une caméra, quoi. Ouais, pour moi, l'avantage, c'est de coucher quand on veut. Ouais. Et avec. Bon, après, je veux pas dire avec qui on veut. Après, t'es pas obligé de te filmer pour ça. Voilà, c'est pas toujours avec la même personne. Tu baisses des bonnes meufs et t'es bien payé. Message de Célim, là. Ouais, quoi, des actrices, il y en a des dégueulasses aussi, hein. Oui. S'il y a des filles intéressées, moi je suis là. Bon bah, je voulais être mon Facebook. Oui. Petit message. Eh bah, allez-y les filles, nous on vous transmet tout ça, Ah mais y a pas de problème, ouais. Y a pas de problème. Je donne mon Facebook, je peux donner mon Facebook? Bah si tu veux donner ton Facebook, vas-y, fais péter. Alors c'est Sam en petit SAM, oui. Plus loin OKLM. Sam en au petit calme. Plus loin OKLM. OKLM sur Facebook. Vous allez le voir. La photo de profil, je suis torse nu avec un chapeau de paille. Ah, magnifique. truc normal. Je vais voir si t'as une tête de pornographe. Aka, le farfadet, quoi. Ouais, le farfadet, ami pornographe. Salut. Merci, Sam. Reste avec nous, je tiens au courant. Ouais. Et attention, attention, ils sont là, ils sont beaux. C'est Cédric et Romano. Ouais. Voilà. Et c'est le clash de la drague, mais oui. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, je vous cherche une musique sexy qui correspond à votre beauté. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme musique sexy? Mets-moi ma beauté de Maître Gims, moi. Ma beauté de Maître Gims. Moi, je crois que ça me correspond parfaitement bien. Alors, attends, je te cherche ma beauté de Maître Gims. Non, oui, parce que quand même, beauté. Allons-y, j'ai zoom, zoom. J'ai japonais de Niska. Japonais. Très bien. Alors, ma beauté de Maître Gims, c'est la bande originale de. De Camping. De Camping. Le film de l'été. Alors, Maître Gims, ma beauté, il est là pour toi, Romano. Et Cédric, qu'est-ce que tu veux? Moi, je prends le même, allez, vas-y. Allez. Alors, bienvenue. Bonjour, mes amours. Bonjour. Ouais, ouais, ouais. Salut, mes beautés, tiens. Salut, les beautés. Salut. Alors, on vote Romano ce soir? Eh non. Clash Collector, qu'on va retrouver tout de suite avec deux méthodes qui déchirent, qu'on va découvrir tout de suite. On y va, donc Cédric d'un côté, Romano de l'autre. Allez, c'est parti, mon kiki. On appelle des gens complètement au hasard et vous devez les séduire avec votre séduction habituelle. Avec tout le charme. Et votre classe également, vous allez voir. Oui. Il y a toujours de la classe. C'est parti. C'est parti, mon kiki, c'est pour Cédric. Thierry? Oui, allô? Allô, Thierry? Ouais. Ouais, comment ça va, Thierry? C'est qui? Eh ben, c'est Michel au téléphone, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelle là parce que je me suis épilé là, le sgeg à la cire là aujourd'hui. Voilà. Et en fait, j'aimerais bien essayer de voir si ça glisse mieux avec une femme. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais appeler Thierry, il a l'air sympa. Et peut-être que sa femme, elle est open. J'ai plus de femme, moi. Eh ben, écoute, ça tombe bien, je vais te faire l'amour à toi alors. Ouais, ça va pas, non? Bah, dans tes fesses, ça va peut-être glisser. Ouais. Bah, je suis sûr que tu vas kiffer. C'est sûr. Ouais. Allez, vas-y, mon chéri, je vais venir à la maison, je vais te faire l'amour, tiens. Dans tes rêves. Ah ben ouais, je rêve de toi, ouais. Voilà. Et soir, je vais passer à la réalité. Ouais. Soir, je vais glisser entre tes fesses. Ok. Bah ok, bon, écoute, génial. Eh ben écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, prépare ton petit cul, puis ben, je vais te faire l'amour toute la nuit, tu verras. J'ai le sgeg qui glisse ce soir. Ouais. J'ai le zizi tout doux. Tu vas kiffer, mon chéri. Voilà, tu vois, ça, voilà. Tu l'as dégoûté à la fin. Pourquoi tu l'as dégoûté avec des trucs pareils? Je l'ai pas dégoûté, le mec. Il a grave kiffé. Mais non, à la fin, il a pas kiffé. Le mec, il a dit oui à la fin. Non, mais au début, il a dit non, après, il a dit oui. Mais tu sais que Cédric, tout le monde a remarqué que tu te foutais de la gueule du monde. Non, pas du tout. Je vais vous le dire. Cédric a serré. Ouais. Et voilà. Dans ses rêves. Il l'a dit, le mec. Hein. Il a dit dans tes rêves. Mais allez vous faire foutre. Mais on a le droit de rêver. C'est beau de rêver, mec. Vas-y, laisse-moi ça. Mais quand c'est toi qui fais ça, ferme ta gueule. Après, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non mais putain, j'aimais bien la musique d'avant, moi. Ça me fait dans l'ambiance, tu vois. Ah, votez Romano, ça va être bon, mes amours. J'appelle qui, là? Tu appelles Bruno. Merci, Malou, pour ta petite méthode. C'est Bruno qu'on appelle. Ouais. Mais t'as reconnu la musique, là? Ouais, bah, c'est Major Lazer. Ouais, c'est Major Lazer, c'est vrai. C'est la musique pour... Comment il s'appelle, Bruno? Allô, Bruno? Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est un voisin là, c'est Jean-Louis à l'appareil. D'Ivoire, t'as bien une femme toi? Jean-Louis? Ouais, t'as bien une femme? Mais Jean-Louis comment? Mais non, mais attends, je te dirai après, t'as bien une femme? T'as bien une femme? T'as une femme ou pas? Allô? Un être vivant avec des seins. Allô? Comment s'appelle? Ouais. Ouais, Bruno, bon, d'Ivoire, parce qu'en fait, je t'explique, j'ai trouvé sa culotte dans la rue, elle marchait devant moi, elle l'a perdue. Oh. Et, ouais. Et je voulais lui ramener ce soir. Et puis, bah viens si tu veux, y a pas de problème, je t'attends là. Bah je viens et puis j'espère quand même qu'elle me fera au moins une fellation pour me remercier quoi. Bien si tu veux prendre une balle dans la gueule, tu con. Non mais dans le cul je préférerais. Ouais. Ouais. Donc c'est qui le PD qui m'appelle là? Moi c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Ouais, Jean-Louis, tu vois, moi je t'encule connard. Ah bah très bien, bah c'est ce que je voulais. Bon bah j'arrive dans 5 minutes parce que le menu. Bah quand tu veux, si t'as des couilles au cul, tu vas voir. Ah bah toi tu vas en avoir une paire de couilles au cul, ça va être les miennes. Bah viens, tchou, on va voir. T'as vu que je branle en ton espèce, tu vois ce que j'en fais moi. Bah ta femme, tu lui dis de se laver un peu la minette et puis les dents pour. Ouais, ouais, tu vas voir. Toi tu vas te laver tes dents. Il va être tout rouge ta gueule. Mon cul aussi. Eh bien, espèce de gros bâtard. Il est super, lui. Hein? Non, parce que moi, ta femme, franchement, je l'ai vue, elle avait un bon petit cul dans la rue. Hein. Ah, c'est bien, elle a un beau petit cul. Hein. Viens là, espèce de connard. T'as que de la gueule, t'es vraiment une espèce de bougnoule pour téléphoner puis planquer de loin. Ça, c'est un mec courageux. Ben... Si t'as des couilles au cul, viens que je te fasse ta tête, moi. Ben, comment ça s'appelle Jean-Marie, lui, non? Ben, y a Allô? T'encule. Oui, bah. Attends, tu me diras ça en face. Bravo. Voilà. Bravo. Il n'y a pas de tirage. C'est pas un tirage. Tu peux craquer sur la fin. C'est marrant, au mot bougnoul, tu t'es levé, Karim, mais... Oh, ah, ça m'a fait rire. Comme si le PSG marquait. À ce moment-là, le mec avait la voix de Jean-Marie Le Pen. Il tu veux pas le rappeler? Je lui dis salam alaikum. Vas-y, on fait ça, c'est bien ça. Vous voulez qu'on je parle en arabe? Non, je t'introduis. Vas-y, et moi je parle en arabe. Tu parles lui direct, gros. Alors, rappelle Bruno. Ouais, Bruno. C'est Bruno. Attends, je t'introduis. Vas-y. Je pense qu'il va plus répondre. Il est en train d'attendre dehors. J'espère qu'il va répondre, Bruno. Bah, on espère aussi. J'espère aussi. Ah, bah oui. Tout le monde attend que Bruno. Bruno. Bruno. Allez Bruno, viens. Oh, comment il a craqué. Viens copain. Ah ouais, tout ça. Il s'est emporté. Allez Bruno. Le mec il est... feignant. Allez Bruno. Feignant. Ouais. Viens un petit peu là. Mais je vais venir. Viens un petit peu feignant. Mais ça te dérange pas si je viens avec mon copain Karim? Ah non, ça n'a rien à voir. Parce que ton numéro même si tu sois marqué indisponible sur mon téléphone, ils vont te rechercher, petit con. Bah ouais, non mais je vais venir de toute façon, mais je peux venir avec mon copain Karim. Oh merde. Ah putain, merde. Feignant. Copain Karim, il a pas pu lui parler. Ouais, il a fait un monologue de mec. Il était sympa, lui. Ouais, mais très. Sympa comme tout, il s'appelle Bruno. On le garde, on le rappellera. On le garde, ouais. Ouais, on le rappellera. Mettez le numéro en stock. Une petite croix sur le côté. On va le mettre dans notre agenda spécial. Bravo Bruno, bravo Romano, très beau serrage, c'était magnifique. Ah non, bah c'est pas un serrage. C'est pas grave, tu vas peut-être réussir au deuxième. T'as foiré ton premier, mais ne gâche pas la fête. Ah non, gâchez rien pas à voir. La fête, les mecs. Mais je fais comme toi, gros, là, y a pas de serrage, hein. Y a un serrage. Bah non, il veut juste te péter la gueule. Bon, de toute façon, le public jugera. Oui, allez, ma team vous jugerait. Cédric, à toi. C'est insupportable. C'est vrai que je vous kiffe, hein. À toi de serrer maintenant. Ah ouais, je vous kiffe. Ah putain. Il est content, il a réussi son premier coup de fil. Ah ouais, bing, comme ça là. Direct. Ah, bing, direct. C'est deuxième et dernier coup de fil là. C'est-à-dire que maintenant tu joues le tout pour le tout, Cédric. Allô. Joue le tout pour le tout, ouais. Allô Guillaume. Bah oui, tu joues le tout pour le tout. Ouais, Guillaume, il est là s'il te plaît? Non. Ah bah il est où ma chérie? C'est qui? Bah c'est Michel, un voisin. Je t'appelle parce que je devais passer te voir à la maison ce soir. Enfin, je vais le prévenir un petit peu là. Parce que j'avais parlé avec lui, là, je me suis fait une épilation à la cire là au niveau de mes parties intimes. C'est quelle radio? Ah, c'est pas une radio. Et je voulais te montrer ça ce soir. Voilà. Tu galères, ma gueule. Panique pas. En gros, je voulais te faire l'amour ce soir. Panique pas, Cédric. Calme-toi. Non, mais tranquille, on m'a pas les couilles. Je sais que le niveau est haut, mais. Oui? Ouais. En gros, je veux venir à la maison pour te faire l'amour ce soir. Elle a dit le niveau. Bon, je peux passer? Non, là, je dors, je suis fatiguée. Oh, vas-y, je vais t'aider à te coucher, t'inquiète. Je vais te faire l'amour, après tu vas mieux dormir, tu vas voir, ma belle. T'inquiète. Allez, bonne nuit. Une fois que je t'aurai fait l'amour, ma chérie, tu vas passer une bonne nuit, ouais. Au revoir. J'arrive, hein. Au revoir. C'est cela, au revoir. C'est cela. Bon, ben, au revoir. C'est cela, oui. Une femme du Père Noël, et tu en. C'est cela. Thierry Lhermitte, oui, c'est cela. C'est l'ancienne, ouais. Elle a raccroché. Qu'est-ce que tu fais, Romano? Tu prends ton coup de fil ou. Bah, ouais, parce que moi, je suis un ouf. Allez, vas-y. Allez, le dernier coup de fil. Et juste après, vous voterez pour Cédric ou Romano. Le dernier coup de fil, c'est pour qui ce soir? Je m'appelle Jacques. Jacques. Le dernier coup de fil, c'est pour Jacques. Attention. Tu t'appellerais bien Bruno, moi, tiens. Ah ouais. Bah, je pense qu'il faut le laisser reposer un peu. Tu crois? Au niveau de la psychologie des familles, je pense qu'il est en surchauffe. Bon, Jacques, il est pas là. Bonjour, au revoir Jacques. A bientôt Jacques. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui va rencontrer Jean-Louis David du Clash de la Drague alias Romano, l'homme champion. Ah, Jean-Louis David, c'est pas tout le temps Jean-Louis David, des fois c'est Jean-Louis tout court. Hein. D'ailleurs, bizarre que tu prennes comme pseudo Jean-Louis David alors que t'as pas un poil sur le caillou. Allô? Allô? Jean-Pierre? Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger à cette heure un peu tardive. D'Ivoire, t'as une femme? Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, cet après-midi, là, je marchais derrière elle dans la rue, elle a perdu sa culotte. La vilaine. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, bah, je voulais lui ramener ce soir quand même. Ouais. Ouais. Et puis, j'espère qu'en remerciement, on pourra faire l'amour un peu. Ouais. Bah, tous les trois, ouais. Bien. Oui, j'écoute bien. T'as qu'à venir tout de suite. Viens. Bah, je vais venir tout de suite. T'as le courage qui vient tout de suite. Ah, bah, je vais lui remettre sa petite culotte, quand même. Ouais, mais viens tout de suite. Mais avant de lui remettre. C'est ta grande gueule, viens tout de suite. Oui, bah, avant. Espèce de PD, encore. Lui aussi, va te dire. Arrive, on a son droit à Bagnoul. Viens. Allô? Viens voir ta culotte. Non, mais avant de lui remettre, je lui lécherai quand même la chatte. Elle est contente, la dame derrière. Allô, Jean-Pierre. Ah, je te biloute. Ah, ma biloute. Bon, moi, bah, j'arrive dans 5 minutes. Allez, va te faire enculer. Non, mais je... Allez, bon. Eh, je viens, hein. Ouais. Eh, sors le matos, hein. Ouais, ouais, mais tu l'auras le matos dans ta gueule. Non, dans le cul. Dans le cul, s'il te plaît. Super, la dame. Arrête de crier comme ça. Eh, tu veux pas me passer ta femme, là, parce que je la sens chaude ce soir, là. Non. Ah, ils sont pas jaloux, va. Elle est pas là, ma femme. Mais si, je l'entends derrière. Non, c'est la télé. Ouais, c'est la télé, ouais, bien sûr. Oui, la télé qui tient. Bon, de toute façon, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes et puis je mets 5 minutes. D'accord, dépêche-toi, je t'attends. Ah, bah, à tout de suite, à mon JP. Ouais, d'accord, allez, va. Bisous, hein. Ouais, grosse couille. Ah, bisous, ma pilule. Ouais. Bisous. Oh, elle est choquée. Elle est choquée, ma pilule. Et voilà, c'est ce qui s'appelle tu parles. Un double serrage. T'as été gâté au niveau des familles. Ouais, non, mais c'est vrai que. Toi, d'ailleurs, celle-là, mettez la de côté aussi, elle avait une bonne voix. Oui. Ça peut toujours servir, ça. Et lui aussi, il se prépare à IPD. Ouais. On n'a pas eu droit à Bougnoul. Ah non, coup, putain, dommage. Ouais, payé, ça. Ouais, c'est quelqu'un payé. Comment ça, encore à payer. Et voilà. Bon, le clash de ce soir avec les méthodes que vous avez laissées à Cédric et à Romano, vous votez pour les méthodes et pour les serrages aussi. Alors attention, déclaration en speed de Cédric, lui-même, qui a un message à vous passer, les filles. Salut les filles. Il veut motiver la jante féminine. Pas que les filles, aussi les mecs. Ah bah, faut faire salut les mecs. Bah salut les mecs, salut les filles, tranquille quoi. Bon, ce soir, je remercie Nounours42 pour la méthode. Merci beaucoup, ça fait plaisir. N'hésite pas à voter Cédric, c'est EDRIC. Toute la team Le Belge vote Cédric ce soir. Je vous aime très très fort. Merci beaucoup. Merci Cédric. Romano, à toi. Alors, eh ben ce soir, mes amours, déjà merci à Malou pour ta méthode. Elle fonctionne à merveille. La preuve, deux appels de serrage magnifique. Vas-y, chante, man. Merci. Ah, tu veux que je chante? Ouais, bah ouais. Bon, vas-y, envoyez un son. Qu'est-ce que tu veux chanter? Bah, Romano, il faut voter Romano. Ah, tiens, je préfère mon rap là. Sur DMX. Tu veux faire ton rap sur DMX? Ah, ouais. Ah, c'est bien ça. Attends. Bon, vas-y, je finis ma déclaration, je mets la musique après. Ce soir, mes amours, bon, deux serrages magnifiques, deux magnifiques familles. Merci merci à elles pour leur participation. Ah bah excusez vos clashs de la traque. T'es pas arrivé à la fin de la phrase, là. Ouais, mais moi aussi, j'ai cru. Ah. Eh bien, pour tout ça, ce soir, mes amours, faut voter Romano. R-O-M-A-N-O, Romano. Alors, top vote, vous votez C-E-D-R-I-C, Cédric. Ouais. Sur le 41-759, l'appli Skyrock et le Skyrock.fm. Pareil, si vous voulez voter pour Romano, R-O-M-A-N-O, votez tout de suite. C'est parti pour 5 minutes. Et parfois, ça suffit d'un poil de cul ou d'un poil de bite, comme Cédric s'est épilé aujourd'hui. C'est ça, ouais. Pour le clash. Ouais, j'ai envie de chanter parce qu'on me demande beaucoup à la demande générale. Il y a eu des chants. T'as trouvé ton truc. Ouais, ça y est, c'est bon, je suis prêt là. Ready to tout chanter. Il a retrouvé son truc. C'est attention, okay, Cédric, tu peux chanter aussi. Ah, ouais, pas de problème. Ça, tout le monde peut chanter. Romano, il faut voter Romano. Pas. Voilà. Attention. Attention, Team Romano. Ouais. Il faut voter Romano, Romano, Romano. Il faut voter Romano, Romano, Romano. Il faut voter Romano, Romano, Romano. Il faut voter Romano, Romano, Romano. Merci le prince du hip-hop. Merci, merci à mon backer Karim. De rien, man. Et laissez-vous pas influencer, Cédric sait chanter aussi. Ouais. Ah bah trop, ouais. En dansant en plus. Ah ouais, en plus. Tous les soirs, la radio libre de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, c'est la fête, ça danse, tout ça. Et dans un instant, on trouve Victor, très énervé. Et oui, parce que dans l'émission, vous le savez, vous avez le droit de nous appeler dans n'importe quel état. Et c'est ouais. Radio libre, Victor énervé. Bon, on va voir pourquoi dans un instant, vous bougez pas. Et Cédric chez Jackie et Michel à Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3. C'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Et gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Le show exceptionnel du Whoop, on exclut pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça c'est bien, ok? C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Merci. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino.

to take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Ah, très bien, je vois les réactions pour Samuel qui veut faire du porno là. Elles arrivent, les réactions pour Samuel qui veut faire du porno. Et on va s'occuper de Sina qui a chié sur un prof. Le problème, c'est que le prof était juste derrière. Ouais. Et ça, c'est pas de chance. Ça, c'est con. Hein, ça. Ah, ben ça, c'est, oui, c'est débile, ah, c'est mais quand ça t'arrive, t'es mal. Dans la merde. Bon, on en reparle tout de suite. Et puis, Cédric, tu nous as retrouvé ta visite à Jackie et Michel. Ouais. Puisqu'on parlait de porno tout à l'heure, là. Bah oui, oui. Samuel veut faire du porno, donc on s'est dit Jackie et Michel, porno, Cédric, si sexy. Tout ça, je pense que ça peut nous faire un bon truc. Et donc, t'étais allé dans le magasin de. Enfin, dans le magasin. Dans la boutique. Dans la boutique de Jackie et Michel, pensant trouver Jackie et Michel. Eh ben oui, on pense. À la recherche, la boutique. À la recherche de Jackie et Michel. La découverte, donc, de l'antre de Jackie et Michel. C'est comme les bestioles. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont une antre. Bon, et puis là, donc, tu vois, on peut parler de Sina, là, tout de suite, si vous voulez. Je vous donne les résultats du clash. Dans un instant, ils arrivent. Eh ben, le temps qu'on s'occupe de ce petit problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, bah, déjà, comme Sina, de chier sur un prof qui se trouve juste derrière, là, juste derrière vous? Ouais, moi, ça m'est arrivé. Il était même là, quoi. Toi, ça t'est arrivé. Il était là, Samy. Marie, jamais. Ah non, j'ai jamais eu ça, moi. Je n'allais pas en cours. C'est quoi, professeur? Bah, si, est-ce que vous pourriez m'expliquer, monsieur Grobédo? Bah, c'est quelqu'un qui est en général devant le tableau et puis qui raconte des trucs. Hey. Plus ou moins intéressants. Des fois, mathématiques, histoire, géo. Ouais, voilà, c'est anglais, ça. Quoi, ça. Quoi, mais tu sais, moi, je dormais au-dessus de mes classes, alors je risque pas de louper mes cours. Hein. Ok, toi, Romano, tu t'es déjà arrivé de parler mal d'un prof ou qu'il apprenne ouais, ou parle mal de lui? C'était une surveillante, mais nous, on chantait. Elle s'appelait Aline et on était là. Ah, Aline, prends ma pine et tout cela. Et il était derrière. Mais en salle d'études? Non, mais en fait, c'était dans le dortoir, je sais pas, on s'est fait. Aline, prends ma pine et suce-la. Ouais, d'ailleurs, non, mais non, c'est Aline, ma copine, prends ma pine et suce-la. Et on hurlait, c'est le truc russe. Ah, Kalinka, ouais. Elle te connaît, c'est de la vodka. En même temps, on hurlait, t'es dans le dortoir. Non, mais on pensait pas, non, parce que c'était un week-end et on pensait pas qu'elle était là. Et la meuf, elle est venue, je sais pas, elle avait tellement une vie de merde que le week-end, elle venait voir ce qui se passait, tu vois. Et la meuf, en fait, elle était pas déçue, là. Pas de bol. La meuf, tu sais, bon, on sautait sur les lits, on était déchaînés. Hein. Et mes potes, pareil, à un moment donné, on était tous face à la porte en train de sauter sur les lits. Et là, la porte s'ouvre et c'était elle. Ah, Lina, pour ma pine. Et donc, surprise. Et cette conne, elle nous avait fait copier 500 fois cette chanson. Ah, Lina, pour ma pine, elle est con, elle. Ah ouais, tu sais, la punition de merde. Mais bon, on avait été obligé de le faire, quoi. Bon, là, moi, je vais te faire copier 500 fois que Cédric, il a 4 mentons. Ouais, écris Romano, Cédric a 4 mentons. Ouais, okay. Si tu veux que je l'écris, vous, partout. Elle, elle est con, elle. Oui. Non, mais ouais, c'est débile comme punition. Lina, prends ma pine. Non, ma copine, prends ma pine et suis cela. Copine. Bon, et toi, Samy, c'était arrivé? Ouais, moi, putain. Dites-nous, si vous voulez témoigner là-dessus. C'était en classe. D'ailleurs, ça défile, là. Je vois que t'es pas le seul, Samy, Romano non plus. Ah, mais ouais, mais trop con, la honte. C'était en classe de neige, tu vois, et tu sais, le soir, tu fais cours, la journée ski, le soir cours, tu vois. Et moi, je t'arrive un peu en retard, tu vois, donc je rentre dans la classe en retard, et là, je vois pas le prof à son bureau. Et les élèves, tout calme, tout le monde qui est assis, tout le monde qui me regarde. Je me suis dit, bon, le prof, il doit être au ski, je sais pas, il est pas là. Je commence à le traiter. Je, fais, ah, pas... je suis allé faire le cours. Non, mais je fais. À parler de l'autre con. Ah, il est pas là, le con. Bah, c'est moi qui fais le cours. Je commence à mettre sur le bureau. Mais un vrai sketch. Mais genre, ça dure genre 20 secondes, tu vois. Et là, d'un coup, je vois les visages de mes potes devant qui se décomposent. Et je me dis, pourquoi il y a personne qui réagit? Et d'un coup, je vois le prof. En fait, il était dans la classe. Il était tout au fond. Et en fait, il était contre un élève comme ça. Il essayait de lui expliquer un truc ou quoi. Et du coup, je l'avais pas vu. Il s'est mélangé avec les élèves. Quoi, ouais. Et il m'avait regardé, il avait tout écouté, et il s'est levé, il a fait le con, comme ça. Et je fais, ah, elle a décomposé. Oh putain! Il m'a sorti, donc il m'a expliqué, il m'a pourri la gueule, et il m'a enfermé dans ma chambre, et pendant 2 jours, ben, j'ai pas fait ski, quoi. Oh. Je restais dans la chambre alors que tout le monde a super vacances de neige. J'étais enfermé pendant 2 jours. J'avais des cours? cours le soir. Putain, moi j'avais pas de cours. En classe de neige, moi j'avais le matinée, l'après-midi cours et le matin, je sais plus. Ah non, mais nous pendant le cours le soir, que ah non, nous pendant une semaine c'était que ski. Ouais, mais c'était sur les vacances. Ah non, non, non. Ah ouais, moi c'était pas mal. Ah putain, que ski, ouais. Ah, que ski. Ah, je me fais baiser. Ah ouais, putain, le sang, t'es trop le bordel. Ah ouais, Aline, prends ma pine. Et je suis seul là. Le soir court. Bon, alors toi t'as été puni en mano, t'as écrit Aline, prends ma pine. Ouais, ouais, c'est à 500 fois. C'est ça, hein. Bon, ça m'y punit. Puni aussi. Pas de ski. Ça, bon, en même temps, le prof, rarement il va te féliciter. Ah bah oui, tu fais le merci de m'avoir insulté de gros con. Ah ouais, toute la classe. Bon, alors qu'est-ce que vous faites si ça vous arrive ce genre de truc? Et qu'est-ce que fait Sina d'ici demain? D'ici demain, faut faire le bouffon. La bouffonne, plus précisément. Bah, tu fais la bouffonne demain, tu vas voir le prof. Et tu fais la bouffonne, Cédric, toi. Non, moi je fais pas la bouffonne, mais. Oh là, je suis une bouffonne, regarde. Oh là, je danse comme une bouffonne. Non, en plus, c'est pas grave, tu fais le bouffon devant le prof, tu seras tout seul, tu seras pas devant tes potes, donc à la limite, ça. Tu sais, tu te feras pas traquer derrière. Donc non, mais elle l'a traité de con. Comment tu justifies le fait de l'avoir traité? Non, mais déjà, de toute façon, il n'y a même pas à chercher de faire le bouffon en compagnie ou la bouffonne comme fait Cédric. Excuse. Non, mais ouais, le seul truc à faire, c'est de présenter tes excuses. Ah, bah, c'est ça. Ça sert à rien d'essayer de trouver une excuse de merde. Tu fais le bouffon et tu t'excuses. Genre, non, c'était pas pour vous. Tu vois, et t'as grillé en flag. Là, t'as juste à dire, ouais, je suis désolé. Tu vas le voir et tu t'excuses. Bah, tu sais, c'est pas faire le bouffon que de s'excuser, quoi. C'est avoir un minimum de savoir-vivre, Cédric. Après l'avoir traité de après con. Ouais, c'est vachement du savoir. Et après avoir chanté Aline, prends ma pine. Non, mais bon, voilà, moi j'ai payé ma dette. Ouais, t'as fait une connerie, voilà, tu payes ta dette, bah ouais, logique. Bon, et vous arrivez la même chose, dites-nous, 41skyrock.fm, on salue Morgane à qui il arrivait la même chose. Ben, laisse ton numéro, Morgane, on va en parler. Nous, on donnait un surnom à un prof, on l'appelait Mario Bros parce qu'il avait une moustache et il l'a entendu et il n'a pas rigolé. Pas d'humour. Alors, soit vraiment, le prof a pas d'humour. On l'appelle Mario ça, Bros. En général, les profs, quand tu te fous de leur gueule, ils ont pas trop d'humour, tu sais. Ouais. C'est. Oh. Non, mais même ici au fond, ça les fait rire, tu vois, ils peuvent pas. Sinon, les. Bah, après, t'imagines, après, ils ont plus un pet d'autorité sur la classe. Le mec, de prendre un exemple. Alors, Mels, faut lui faire des excuses et essayer de faire genre tu pleures. T'as qu'à lui faire une lettre d'excuse pour Léo Bogos du 33, les messages en vrac. De toute façon, pas besoin de faire de lettre, tu le vois demain, donc. Moi, j'étais trop mal. C'est ma prof d'histoire géo, je l'ai traité de salope. Ah, ça, c'est clair. Elle plus, a pas aimé. C'est vrai que connard pour Sina, c'est pas facile à gérer. Salope pour une prof, c'est pas simple non plus. Ouais, moi, je sais pas, moi, j'avais pas beaucoup de profs féminines, mais en général, au niveau des punitions, elles étaient plus dures que les mecs. Hein. Aïe. T'sais, bah, pour le même truc, bah, je sais pas, mais je sais que c'était des sacrés. Plus serrées, ouais. Sacrée rageuse. Ah ouais, c'est clair, sacrée garce, quoi. Bon, alors vous faites. Garce. Dire quoi, vous savez que là, s'il est passé, il peut se lâcher maintenant. Bah, alors, c'est ça, exactement. On vous attend, et puis dans un instant, on fait un petit point là-dessus, là. Tiens, moi, un jour, j'étais avec des potes à la sortie du bahut, je leur ai montré une vidéo de film de boule. Ils sont tous barrés à un moment. Je me suis retourné, j'ai vu mon prof de sport qui avait tout vu. Sympa. Bah alors, tu l'as pas insulté. Ouais, ouais. Ah, si c'est pendant l'heure de cours, il va te dire ouais, tu regardes pas les films de cul pendant l'heure de cours. Quoi. Non, on les regardera après, il dira. On les regardera ensemble après. Dans la voilà. Salle des profs. Bah voilà, c'est parfait. C'est sympa comme mais tout. Oui. C'est pratique. Le soir après, il y a personne. Voilà, un petit cours particulier. Nickel, porno. Ouais. Peut être sympa là. Bon, j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Ah voilà. Et oui, les résultats de ce magnifique clash de ce soir. D'ailleurs, je tiens à féliciter nos deux clasheurs. Moi, j'ai fait un double serrage merveilleux. Romano et Cédric. Merci. Moi, j'ai adoré la bonne femme de Romano qui derrière le bonhomme qui arrêtait pas d'insulter. Calme-toi. T'as pas t'as la femme, t'as dit, calme-toi, mais raccroche. Alors, est-ce que ça t'a permis, Romano, de gagner ce clash de la drague, ou Cédric, peut-être, a gagné le clash? On va voir ça tout de suite. Je découvre. Oh. Eh bien, je alors. Ah, oui, quand même. Ah, oui, quand même. Ah, c'est moi? Alors, le gagnant est Romano avec. Ouais, putain. Quelques pourcentages d'avance sur Cédric, exactement. Laissez-moi calculer. 40% de plus que Cédric, puisque. Hein? Romano, tu as 70, Cédric 30. Bravo. Eh ben voilà. Bravo pour cette victoire. Et voilà, merci encore à toute la team Romano. Qu'est-ce que je vous aime, bon courage. Bah, tu peux être content parce que. I love you. Il n'y a pas très longtemps, je crois que d'ailleurs c'est lundi dernier, tu perdais un clash de la drague. Je sais pas, je me rappelle plus. I love you so much. Sans mots. I love you, beautiful. Si, si, tu perdais, ouais, t'inquiète. T'as une bonne mémoire, dis-moi. Aucun souvenir de ça. Bon, mercredi, retour du clash, là. Soyez là. Bon, Cédric, tu nous as retrouvé Jackie et Michel. Ouais. Avant qu'on revienne aux profs, avant qu'on revienne au porno aussi. Bah, c'est Samuel qui a déclenché tout ça. Samuel avec son envie de faire des films porno avec sa meuf. Eh bien, ça nous a donné envie de retrouver l'épopée de Cédric à travers les rues de Paris pour arriver jusqu'à chez Jackie et Michel. Il y est arrivé, hein. Ah ouais, il a trouvé. La preuve, écoutez bien, c'était sur Skyrock. Attention, exclu total. Cédric débarque chez Jackie et Michel. Ouais. Et tu es donc devant chez Jackie et Michel. Ouais. On va donc essayer de faire la rencontre avec Jackie et Michel. J'espère qu'on t'entendra bien quand tu vas rentrer dedans, on va voir. Ah, j'espère aussi. C'est donc parti à l'intérieur. Alors, t'as ton téléphone au cas où, Cédric, hein. Ouais, non, t'inquiète, je suis équipé. Ah, ah, très bien. Alors, ce qu'on va. Parce que là, faut expliquer que j'ai un matériel spécial, en fait, pour. Mais c'est ça, Skyrock. Équipé, quoi, comme les Américains. High-tech. Matériel de reportage. Matériel de reportage, Skyrock, pour toi, Cédric. Comme à la télé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait faire à Jacques, à Cédric, chez Jackie et Michel? Moi, je propose, Cédric, déjà, que tu demandes où est Jackie, où est Michel, pour savoir s'ils sont dans le coin. Bah ouais, quand même. Vas-y. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Tu voudrais tourner avec eux. Et que, après, tu leur expliques que t'es passionné par Jackie et Michel, t'adores. Et que tu aimerais tourner un puis film. Puis tu nous dis ce qu'il y a un peu chez eux, tout ça. Et après, tu nous décriras ce qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, dans les vitrines, tu vois des gros t-shirts avec écrit on dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Mais bien sûr. Mais t'es devant quoi ? T'es devant une boutique Jackie et Michel ? Ouais, c'est une boutique. En fait, il y a un. Je savais pas qu'il y avait des boutiques Jackie et Michel. C'est la première, elle a ouvert aujourd'hui. Ouais. On fête l'ouverture de la boutique Jackie et Michel. Elle est à Paris, à Montparnasse. Jackie et Michel Store. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. On va vous mettre une photo de l'aventure. Après la d'aventure. Je vais me prendre en photo devant le magasin. Non, je vais leur faire une bonne pub. Tu peux mettre une photo sans toi. Ouais, tu peux mettre une photo. Moi, j'en ai une photo sans. En fait, pour ne rien vous cacher, je me demande où traîne Carriole, c'est elle qui a trouvé l'info. C'est vrai. Elle traîne sur des sites pornographiques. Ouais, c'est ça. Carriole, en fait, est accro à Jackie et Michel. Elle appelle Difoul, elle fait oh, il y a Jackie et Michel, ils ont une boutique. C'est vrai, en plus. Bon, alors, Cédric, c'est parti pour ta mission. Attends, il y a des gens qui viennent prendre des photos de la boutique quand même. Bah, attends, Jackie et Michel, c'est quand même. Toi, le premier. Ouais. Alors. Merci qui ? On dit merci qui ? Putain, ils se prennent des vents par les gens, quoi. Le mec, il s'est sauvé. Ça va bien ou quoi, tranquille ? Tu m'as fait peur. Ça va bien ? Toi aussi, tu viens prendre une photo de la boutique ? Moi, j'écoutais la radio, mais moi, j'habite juste là. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà. Eh bien, bienvenue à toi, ami auditeur de Skyrock. C'est quoi, qu'on est très écouté dans le quartier de Jackie et Michel, ça m'étonne pas. Anthony ? Et tu regardes Jackie et Michel, toi ? Ouais. Ah ouais, regarde, non. Attends. Tu t'es lavé les mains, quand même, avant de me dire bonjour. Hein ? Eh bien, Cédric, non, lui, il s'est pas lavé les mains. Juté dans la main. Eh bien, pas moi. Et voilà. Attends, qu'il passe pas un snap. Vas-y. Ah, tu fais des snaps. Cédric est drogué aux snaps. Ah ouais, c'est mais bon. Snap, c'est pas pour moi. Il snap chat. Snap chat. Tu avec Michel ? Ouais, tranquille. Qu'est-ce que tu fais, Cédric ? Je suis dans la boutique. Il a des fans. Il a des fans. Ah, mais en fait, on nous écoute dans la boutique. Ah, on écoute Skyrock. Putain, chez Jackie et Michel, ils écoutent Skyrock. Ah non, t'écoutes pas Skyrock ? Pas ce soir. Normalement, ça passe, ouais. Ah, faut mettre Skyrock dans la boutique, mon ami. Bon, ça va, tu vas bien. En fait, chercher Jackie et Michel. Ah ouais. Ils sont là ou pas ? Ah non, jamais. T'es pas Jackie, toi ? Bah non. T'es pas Michel non plus. Non, j'aurais bien aimé. Et on peut pas les rencontrer. Parce que moi, je t'explique, je suis fan de Jackie et Michel. Ouais. En fait, j'aurais bien aimé faire un truc avec eux. Ok. Donc, je me suis dit, comme il y a la boutique, je vais venir directement pour les rencontrer. Distributeur officiel. Pour tout contact avec eux, il faut passer en direct sur. T'as pas un numéro de téléphone ? Moi, j'ai rien. Ah merde. Il faut que tu passes par le site officiel Jackie et Michel et t'as les coordonnées contact. Demande-lui si t'as le physique pour Jackie et Michel. Est-ce que tu penses que je pourrais jouer dans un de leurs films physiquement ? Ah ouais, y a moyen. Y a moyen ? C'est ça, le mec qui est gentil hein, quand même. Non, mais. Attends, t'as un mec sympa, toi. Quand même, ça crée des bris sur Jackie et Michel. Allez, mater, c'est bien. Sur ton matos, Attends, sans ton matos, Cédric. Non, chez Coran qui veut sortir son matos pour le taper sur la table, quoi. Non, je l'ai dit de sortir. Ouais. Bah ouais, Cédric, montre un peu, tu passes à casting. Bah ouais, passe à casting. Non, y a pas de casting. On a jamais fait de casting porno, on dirait. Y a pas de meuf. Putain, mais je pensais qu'il y aurait des meufs et tout. Y a pas de meufs. On est distributeur, hein, on vend les produits officiels. Ouais, il y a quoi comme produit là ? Ah, Marie veut savoir ce qu'elle peut acheter. Marie, il y a des lingeries si tu veux, il y a des tenues un peu sexy. Il y a des perruques pour Pamela si tu veux aussi. Ah, Pamela, des perruques pour toi, ah, dis donc. T'as d'autres types de perruques ou t'as que ces deux-là ? Non, il y en a d'autres. T'as des perruques en... Ah ouais, t'as de la perruque blonde aussi si tu veux. Ah, ça a l'air pas mal. Et c'est quoi, tu peux m'en ramener une ? La sextoy. Attends, t'as des menottes aussi. Hein. T'as des menottes, t'as des huiles. Et il y a tout marqué Jackie et Michel dessus ? Non, c'est pas tout marqué. Pourquoi il n'y a pas écrit Jackie et Michel sur tous les trucs ? Parce que les produits Jackie et Michel, c'est uniquement t-shirt suite. Ah vas-y, je veux bien un t-shirt. Ouais, moi aussi, je veux bien un t-shirt. Ah, bon, merci Jackie. Ouais, bien sûr. Eh, gratte des t-shirts, le belge pour nous. Là. Les souris, tapis de souris. Tapis de souris. Ah ouais, c'est bien, c'est classe au bureau. Au bureau, t'es là. T'es pas lié. Ou sur l'ordinateur familial. Un mug, on prend ton café, tu sais. Dans la famille, vous amenez ça devant. Regardez, papa, maman. J'ai acheté un magnifique tapis de souris, Jackie Michel. Et maman, pour le petit déj, j'ai des mugs. Les mugs, Jackie Michel, merci qui ? Merci Jackie Michel. C'est uniquement pour le café, mais avec du lait, beaucoup de lait surtout. Mais après, il y a plein d'autres trucs. Il y a des tenues en cuir, il y a des. Tu vas pas t'en acheter une, Cédric, et revenir complètement habillé en cuir. Ouais, tu veux pas te déguiser pour. Il y a des lunettes de soleil, tu sais, avec écrit dessus à la place des carreaux. Non, moi je préfère les trucs en cuir pour toi. Vas-y, mais ramène des objets, ouais. À la place des carreaux. Ah, mais c'est pas gratuit, les objets. Si, on leur fait de la pub, regarde. Ouais, on leur fait de la pub gratos, là. Ah, est-ce que tu peux me passer, comment il s'appelle le gars qui vend à Jackie Michel ? C'est quoi ton prénom ? Guillaume. Guillaume. Tu peux me le passer, passe-le-moi. Attends, tiens, Guillaume. Tu m'entends. Mets-lui dans l'oreille. Difoul, il veut te parler. Oui, je vais parler. Attends, je l'équipe. Allô. Vas-y, équipe. Toi, salut Guillaume. Américaine. Salut Difoul. Salut à toi. Salut. Alors, salut Jacques Michel. Rapproche-toi de moi un peu pour parler. Rapproche-toi un peu de moi. Oh, le pauvre, putain. On t'a envoyé Cédric. Tu en as de la chance, hein, Guillaume. J'ai vu ça. Ouais. Alors, Guillaume, est-ce que Jacques Michel, ils font des tout petits films? Tu sais, des films genre pour les portables, des trucs qui dureraient 30 secondes. Snap, quoi. 30 secondes. Snap, voilà, un Snap. Ouais, ouais, ou Instagram, 15 secondes. Jusqu'à présent, je pense pas. Eh bien, je voulais lui proposer je demander, ça. Je pense que, parce que notre ami là que tu as, notre ami que tu as à côté est précoce. Oui. Tu es précoce, en fait. C'est lui qui dit ça, écoute. On présente les précoces. Donc, il est capable de venir en 10 secondes. Est-ce que ça serait pas un business à faire pour Jacques et Michel? Propose-leur si tu les vois. Clairement. D'ailleurs, regarde, il a pas une tache déjà sur son jean. Casse-toi. Parce qu'il nous a dit quand il t'avait vu dans la boutique, il était très excité. Mais c'est en train de monter là. Ça monte. Parce que Guillaume me caresse la jambe discrètement. Non, mais ça va aller, toi. Ça monte. Bon, bah, très bien. Et toi, t'as tourné dans un film déjà ou pas? Non. Et t'aimerais bien ou pas? Écoute, pas pour le moment. Ah, ça veut pas dire non, ça. Et tu les connais, Jackie et Michel? Tu les as déjà vus? Alors, Jackie et Michel, non. Après, effectivement, on a vu l'équipe. Non mais lui il se montre pas eux. Non, mais c'est une vraie boîte. On a vu, c'est un chiffre d'affaires 10 millions d'euros, ça fait Jackie Michel. Même plus, 10, 11, ouais. Bah comme quoi ton film de cul. Non mais Jackie Michel lui il se montre pas. L'anonymat, on va dire. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils veulent rester cachés, ouais. Et en fait, ils sont des gens qui travaillent pour eux, quoi, qui gèrent la marque. Exactement. Voilà. Et ben très bien, on dit donc merci qui, hein? Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Et vous avez ouvert aujourd'hui votre boutique là. Ah, est-ce que c'est vrai que. Une semaine qu'on a ouvert. Une semaine. Une semaine. Et il y a du monde? Eh ben écoute, je suis étonné par la cote de popularité de la marque. Ah non mais attends, Jackie Michel, c'est quand même Jackie Michel. Hein. Et est-ce que tu vends des stimulateurs de prostate? Oui. Pour Romano, j'en ai besoin. Parce que Cédric en voudrait un. Ouais, casse-toi, il est fou. Il n'osait pas te demander, il est bien sûr. Je vais lui faire la présentation des produits. C'est combien le plus gros god on nous demande là? C'est Mio sur SMS qui nous demande le plus gros god que vous avez en vente chez Jackie Michel. Une quarantaine de centimètres. Est-ce que tu peux le mettre dans le cul de Cédric ou pas? Je pense qu'il y a moyen, ouais. Et ça rentre, à mon avis. Hein. Eh, je vais vous laisser, les amis. Hein, moi, Cédric, il veut faire ça en toute discrétion. Ouais. Comme c'est mignon. Bon, bah, t'es sympa, Guillaume, en tout cas. Ouais, sympa comme tout. Sympa, tu finis à quelle heure? Minuit ce soir. À minuit, donc vous pouvez aller chez Jackie Michel. Et c'est à Montparnasse. Vous direz merci, Guillaume. Tout à fait, merci, vous donnez ça. Merci, Jackie Michel. Merci, Jackie Michel. Merci, Jackie et Michel. Et c'est quoi? Merci, Skyrock. Et merci à toi. Et c'est quoi que t'as vendu le plus là, en une semaine depuis que c'est ouvert? Les t-shirts, ouais, marchent vraiment à fond. Bah ouais. D'accord. Il n'y a pas moyen que tu nous en files un ou deux? Tu peux pas nous en filer un ou deux? Après, je vais me faire taper les doigts par le. Attends, on t'a fait de la pub gratos, sinon on leur envoie la note, ils vont cracher un peu. Oui, parce que la pub dans Radio Libre, ça coûte cher, attention. C'est à République. C'est vrai, hein. Bon, en tout cas, merci Guillaume. C'est à République, ouais. On donne une mauvaise adresse. C'est rue Saint-Denis, en fait, la boutique. Voilà, rue Saint-Denis, 122. Ouais, 37 bis rue Grenetta, là, la boutique. Bon, merci Guillaume. Merci à vous. Salut. Cédric. Non mais vous inquiétez pas, je vais gratter ça. T'es tout excité, Cédric. Je vais faire la négociation, t'inquiète. Non mais des trucs de ouf, hein. Il y a un truc de Clara Morgan, là, c'est quoi ça? La négo, c'est que Cédric, il va... Le calendrier. Attends, fais voir ça, je peux en prendre un? Voilà, je prends un calendrier 2012, il est super. C'est quoi ça? I love sport, fais voir, c'est quoi ça? I love sport, ça veut dire j'aime le sport, Cédric. Un masturbateur. Masturbateur, love sport, basket. Ça peut te servir, basket. Ça, Cédric, un masturbateur. Ça sert à quoi, ça? Tu fais quoi? Bah, se branler la bite, Cédric. Mais prends un truc pour les précoces. Ah, tu mets ta bite dedans. Ah oui, Cédric. Ah, tu mets ta bite dedans. Masturbateur. Oh là, mais c'est quoi, masturbateur? Pour te coiffer. Ah, d'accord, je le mets sur la tête et je me fais. Ouais, c'est ça, à 15 balles quand même. Ok, très bien, très bien. Et ça sert à quoi, ça? Ça se met dans le cul, Cédric, c'est un god. Non, ça c'est un god, ça. Non, mais ça va aller, je vais te le laisser. Ça va aller, ça va rentrer tout seul. Easy. Merci Cédric pour cette quelle découverte. Donc, ah ouais, merci Cédric. Expliquer les trucs là. Ah mais il y a du monde quand même, hein, putain. On était à la recherche de Jackie et Michel. Bon, on n'a pas trouvé Jackie et Michel, bon, on a trouvé Guillaume, c'est pas grave. Il y a des meufs, Cédric, ou pas? Tout à l'heure, il y avait deux meufs qui sont rentrées avec un mec, mais elles sont parties. Ah bah c'est étonnant, c'est au moment où t'es rentré. Ouais, c'est bizarre. T'as fait perdre de la clientèle féminine. C'est toi. Ça. Mais ça va, c'est grand quand même, hein. Il y a plein de trucs. Hein. D'accord, bah écoute. Tu viens de faire un tour, il y a plein de tenues. Fais-nous des photos, on mettra ça tout à l'heure. Ouais, mais ça fait ça bien. Vas-y, je vais faire deux, trois photos. Allez, fais les photos. Là, vous avez déjà une photo de l'aventure, là. De l'aventure de chez qui? C'est Jackie et Michel. Il y a marqué en gros merci en plus. Et merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Et merci Cédric. Allez, reviens vite. Ah oui, on t'attend. Eh ben, il est revenu. Ah ben voilà. Magie, il est déjà de retour. Et voilà, téléportation. Voilà, magnifique cette visite chez Jackie Michel, Cédric. Ah ouais. On l'a vraiment excellent. Ils sont sympas en plus. T'étais, ouais, donc t'as bandé. Non, ça, bah, t'inquiète. Je vous dirai pas tout. Ouais, putain. Voilà, je suis tout. tout mouillé encore maintenant. Oh ouais. On peut pas le remettre. Non, non, là c'est fini. Allez, vas-y. Non, non, non, terminé là. C'est vrai qu'il se fera la soirée. 21h minuit, Cédric chez Jackie et Michel. Alors, bon, merci pour les messages. Et tiens, justement, puisqu'on parle des messages, les messages que vous nous avez laissés pour quand on chie sur un prof et que le prof est derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est arrivé avec des CPE, c'est arrivé, tiens, c'est arrivé à Yacine. Alors, Yacine, il a un prof qu'il appelle pute de la gueule. Ah, c'est marrant parce que moi aussi j'aurais pu appeler certains de mes amis pute de la gueule. Oh ouais. Bah oui. Qui ça? Je sais pas. Je sais pas de qui tu parles. Alors pute de la gueule et le prof est derrière. Bah là t'es mal, ouais, parce qu'en plus tu le traites sur un de ses une de ses qualités. Non mais pour un peu le mec il s'en remet pas compte. Tu vois les gens qui puent de la gueule ils le savent pas. Hein. Alors on a Ryan de Perpignan qui est avec nous là. Bonjour ouais, Ryan. Écoute. Bon alors Ryan toi t'as le même problème avec un prof ou un surveillant on va dire. C'est un surveillant toi. Ouais, voilà, parce que je m'étais embrouillé avec elle justement parce que j'avais insulté de pétasse en fait. Ah, une surveillante qu'on insulte de pétasse en général, elle aime pas. Ouais, pas trop justement, mais en fait j'allais protéger un petit et elle est venue, elle m'a dit ouais non non, après je suis putain quelle pétasse, elle est venue vers moi, elle m'a dit t'as dit quoi? Et là elle est venue, elle a fait bon allez jamais une siège CPE et tout. Et genre juste avant je sais pas, mais bon j'étais énervé et tout, justement je faisais un bon acte et tout, maintenant je commençais à l'embobiner et tout. Et alors ça marchait? Et au final non, elle m'a mis juste une heure de colle. Ah. Ouais. Mais t'es voilà. Pas allé devant le CPE par exemple? Non. Ouais, donc en gros tu peux réduire la peine, mais pas complètement. Non, je pense pas une fois que c'est dit, mais ouais. Y a Malik, lui, un peu le truc de même style. Ma prof de français m'a entendu dire ta gueule salope de la manière la plus sèche et sans aucune raison réelle. Je lui ai présenté mes excuses, désolé, madame. Et ouais, en gros, ça s'arrange. Ouais, faut faire le canard, si j'ai bien compris. Malik, il nous dit ça là sur SMS. Ouais, faut t'excuser, quoi. Faut et puis voilà. C'est sorti trop vite et ça. Nan, nan. C'est sorti tout seul. Vous êtes. Ouais, voilà. Ou alors tu dis un truc, tu dis ouais, en ce moment ça va pas, j'ai des problèmes chez moi. Ouais, il y a moyen, ça aussi, t'as oui. Pas marché, ça, ouais. Non, mais tu dis ça, tu dis, ouais, chez moi, en ce moment, c'est pas trop pas trop l'ambiance. Je vis seul, mes parents ne sont plus là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il s'est passé quelque chose de très grave. Ouais, voilà, comme ça va dire, ah bon. Bon, bah, ok, alors continue à m'insulter. Il y a cette même chose, tiens, j'ai insulté mon prof, il n'était pas loin, j'ai rien eu, car on a eu une discussion juste après, pour finir, je me suis excusé. Donc, les excuses, ça peut diminuer la peine, comme pour toi. Bah, c'est clair, ça, il y a Mad. Ouais. Pas, j'ai une pionne qui m'a entendu la traiter de conne, elle m'a envoyé direct chez la CPE et bim, exclusion école. Allez, hop, on a une prof de français qu'on appelle la grosse pute parce qu'elle nous fout toujours des interros à surprise. Ma prof de géo, elle m'a entendu dire, ah, forcément, et elle a pas aimé, 3 heures de colle. Y a Momo Cracra, c'est le note, non? Oui, c'est possible. Ma prof de géo, je l'ai insultée de King Kong parce qu'elle est, ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Parce qu'elle est poilue. Ça fait plaisir. Sympa. Les doigts d'honneur aussi. Un jour, je faisais un doigt d'honneur à une prof, elle s'est retournée, elle m'a vu, et on l'a au téléphone, c'est Laurent qui est en direct avec nous. Allô, Laurent. Ouais, allô. Salut allô, Laurent. On fait des doigts d'honneur à l'équipe ou quoi? À Marseille, on est dans le sud. Ryan de Perpignan, ouais, Laurent de Marseille. Ah, génial. Et alors, Laurent, c'est toi qui as fait un doigt à une prof? Ouais, en fait, c'est ça. Pas moi, il m'arrive une galère aussi comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, je me suis fait vraiment jeter et j'ai rien fait pour arranger les choses. Et finalement, j'ai été viré du cours toute l'année, tu vois. J'ai été. Ils m'ont tué, quoi. Ils m'ont fait vraiment. Quand tu dis que t'as rien fait pour arranger les choses, t'as pas essayé de t'excuser? Les choses, pardon, excuse-moi. Non, moi j'ai pas pu m'excuser en fait, parce que le truc c'est que la prof elle pouvait pas me capter depuis le début de l'année en fait. Et ça fait que moi j'ai complètement laissé tomber quoi. En gros, elle a saisi la première occasion. Pour te foutre dehors quoi. Ouais. Tu vas me dire le doigt d'honneur, c'est pas mal. Ouais, bah ouais. En fait, tu pouvais dire que tu levais la main et que t'avais. Tu t'es trompé de doigt. Ouais, je me suis trompé. Ouais, en fait, moi, j'ai un problème au doigt, il est raide celui-là. J'ai inventé un mytho, mais c'est jamais passé quoi. Ouais. Et c'est qu'ils m'ont dit, c'est où tu vas t'excuser. Et elle essayait que ça s'arrange pas. Et elle m'a dit, en gros, elle voulait plus me voir. Si t'as un élève que t'aimes pas, le premier truc qu'il fait, la première connerie qu'il fait, tu le sacs. Ouais, tu l'allumes. Profites, ouais. Tu l'allumes. Hein, ouais, je l'allume. Tu serais prof, tu ferais pareil. Ouais. Tu serais prof. Ah, ça serait la bonne occasion, ouais, j'aurais fait ça direct. Tu serais prof de quoi d'ailleurs? De ce que tu veux. De maths. C'est vrai qu'il serait prof de rien du tout. Moi, je vote pour Romano. Et Romano, tu serais prof de quoi, toi? Économie, moi. Économie. Prof de langue, moi. Ou prof de langue. Je ferais que le bio, mais que la reproduction, quoi. Tu ferais je ferais que la partie reproduction dans Allez. Le programme. Cours pratique. Bah, bon. Donc, moi, je pense que je lui conseille qu'il aille s'excuser, quoi, qu'il arrange vite les choses. Parce c'est que moi, j'ai fait la. Donc, Sina, ouais. Qu'elle s'excuse. Moi, c'est ce que vous avez dit, c'est comme ça que ça peut marcher le mieux. Quand tu t'excuses, en général, ça passe mieux, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un prof, il ressemble à Gargamel. On l'appelait Gargamel l'autre jour. Il a rigolé avec nous. Trop sympa, notre prof. Ah, ouais, c'est rare. Ouais, c'est rare. Hein. Si je te dis, sinon après, ils ont plus d'autorité. Hein. Des profs? Ah mais bah ouais. Les profs, oui, non, mais ah, si le mec il commence à se laisser traquer ou la prof elle se laisse traquer, je te raconte pas le bordel dans la classe. Mais c'est quoi. Moins drôle de traquer un mec qui en rigole. Gargamel. Ah ouais, ouais le mec il est bord de rire. Allez-y, allez-y, continuez, allez, dis-moi ta gueule. Ah bon ben écoutez, j'espère que ça ira pour Sina. Sina, donne-nous des nouvelles demain soir. Tu nous laisses un message, tu nous dis comment ça s'est passé avec ton prof là. En espérant que la pilule va passer. Et en espérant que ça passe. Ouais. Bon ben Sina, merci pour les témoignages aussi pour les messages que vous avez laissés. J'avais une prof toute petite qu'on nommait la petite naine. Et comme elle était moche, on faisait des sketchs sur elle. Et un jour, elle nous a grillé. Sympa de faire des sketchs. Vous allez peut-être faire du stand-up un jour. Ah, ouais, peut-être. Ou devenir actrice comme la Marie. Ah, j'ai été comédienne, oui. Dans un porno-shop. Ouais, mais en plus. Oui, certainement, ouais. J'ai insulté ma prof d'anglais. Elle s'appelle Chatrou. On la nomme Chatroulette. Évidemment. Oh, c'est rigolo à la limite. C'est marrant. Mon prof, on l'appelait Gollum. Parce qu'il ressemblait à la bestiole du Seigneur des Agneaux. Résultat, 3 heures de colle. Et bim, 3 heures de colle. Ah, Carou, 25-200. Oui. Ma prof d'histoire nous a insulté des cons. J'ai dit, c'est toi la conne. Puis j'ai été viré du collège. Oh, c'est bizarre. C'est sorti tout seul. Non, mais c'est vrai que forcément. Tu t'es traité, t'as envie de répondre. Moi, j'ai traité ma prof de français de chouette. Elle devait avoir des lunettes. Moi aussi, j'avais une prof qui ressemblait à une chouette. On appelle ma prof. Et elle a pas rigolé, elle, Julien du 95. Là, c'est Luchel. On appelle ma prof Sniff Sniff, car quand elle expire, on a l'impression qu'elle prend un rail de coke. Sniff Sniff. D'accord. C'est vrai qu'il y a des profs qui ont des tics. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais un prof, il avait un cheveu sur la langue. Dès qu'on posait une question, on avait. Bonjour. Lui, pareil, ça le faisait pas spécialement rire. Bon, vous faisiez exprès de parler. Non, mais ouais, on parlait comme ça, on lui posait des questions. Ou alors, on lui posait des questions, mais il fallait que sa réponse, ça soit avec plein de S, tu vois. Donc, on lui demandait des dates. Vous pouvez répéter la date, on l'a pas entendu. 1515. Pardon? 1515? Bon, bah, en tout cas, merci, Laurent, du coup de fil de Marseille, là. Ouais, de rien. Merci à vous, et ça fait plaisir de vous avoir eu au téléphone. C'est sympa d'avoir appelé. Ouais, il y a moyen que je fasse une dédicace, vite fait. Vas-y, oui. À Giovanni, à Thibaut, et à tout le lycée de ça. Bah, tu big up tout le monde là-bas. Voilà. Bon, ciao. À bientôt, Ryan. Bon, ma prof de physique, il lui manque des pouces, MDR. Oh non. Non, mais c'est horrible, mais t'es obligé de rigoler. Non, mais faut pas se moquer. Non, mais le rapport élève-prof. Moi, j'ai un ami chauve. Ouais, est-ce que vrai, je me moque de mon ami chauve? Non, mais moi, je t'ai dit, c'est comme le mec qui avait la cataracte, là, et qui voyait. C'était vite de là. C'est le mec, c'est. Tu sais, c'est horrible. Bon, après, si t'es opéré, voyez bien, mais. Tu sais, le mec, c'est obligé, c'est ton prof, tu te fous de sa gueule, quoi. Bon, c'est pas de bol, l'autre, il manque des pouces, bon. Oui. Pas se moquer des profs. Peut-être que vous serez prof un jour. Ah putain, mais quand t'entends ça, t'as pas envie de l'être. Ça doit pas être facile comme métier, prof. Non, mais il y en a de moins en moins qui ont envie d'être prof. Vous aviez des profs dans la famille? Non. Non. Bah ma sœur, elle est prof, mais en primaire, quoi. Ma mère, elle était prof. Elle saquait tout le monde au début. Elle était prof de quoi? Et elle les saquait à la fin. Elle était prof de quoi? Elle saquait tout le temps, en fait. Dans un lycée professionnel, elle faisait du hip-hop, du taekwondo et également de la boxe. De basket, c'est de là que ça vient. Ah, pas mal, la boxe thaï. Si, moi j'ai un beau-frère, il est prof à la fac. Mais bon, ça va. Ça va, ça se déroule pas trop mal. Tant mieux. Et ben voilà, on a géré, j'espère en tout cas qu'on aura fini. Non, mais moi, il me disait par exemple à la fac, parce que tu sais, il fait des cours dans les amphis, là, les cours magistraux. Qui c'est qui s'enfile? Non, mais dans les le fuck, ça m'intéresse, mais gros bidou, c'est notre histoire. Oui, ben je sais, Marie, mais bon. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il me disait, moi, quand, tu sais, quand c'est le bordel, genre en début d'année, tu vois, ils foutent le bordel et tout. Tu sais, il les laisse faire, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, contre 300 élèves, tu peux pas lutter. Hein. Ah, ben non. Il les laisse faire, il me dit, ouais, je m'assois ou je vais boire un café, et puis quand ils sont calmés, je reviens, quoi. Bon, des fois, ils se calment pas, donc il n'y a pas le cours. Ouais. Il y a des profs qui me font de la peine, nous dit Nicolas, là, tellement ils ont peu d'autorité. Nicolas, sur SMS, 19 ans. Moi, je leur disais. Non, mais à la limite, tu vois, c'est plus marrant. Moi, je trouvais ça plus marrant, tu vois, de s'en prendre à un prof. Bon, tu savais très bien que derrière, t'allais manger, genre, une interro ou un truc. Bon, moi, tu sais, ça te faisait trop délirer. Parce que c'est vrai que si c'est trop une victime, tu sais, c'est même plus drôle, quoi. Il faut qu'il y ait quand même du répondant en face, quoi. Tu sais, si le mec il est complètement soumis ou alors qu'il s'effondre en larmes, limite, t'es mal à l'aise. Ouais, t'es mal à l'aise. Ouais, tout de suite, ça te fait moins rire. Ouais. Bon, allez, on y va pour la suite. Merci pour les messages. Merci à Mad, merci à tous les autres là. Moi, j'ai un prof qu'on appelle René Lataupe. Il doit être beau. Il doit être beau gosse, dis donc, René Lataupe. Tous les soirs, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et dans un instant, on aura Saïk au téléphone avec nous. Je sais pas qu'il est plus beau que René Lataupe. En tout cas, il veut des conseils pour acheter un truc. Vous avez vu? N'achète rien. Attends. Premier conseil, rien acheter, c'est trop cher. Il veut acheter un truc, il hésite. Bon, Saïk, on le prend. Et puis les réactions pour Samuel, l'homme porno. Samuel qui veut se lancer dans le porno avec sa meuf. Absolument, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Réaction tout de suite sur Skyrock, ça arrive. Et Pamela aussi, attention.

suis en feu. Semaine pour cette radio libre de l'été, bon, on est lundi, on est le 15 août et c'est reparti jusqu'à minuit, attention. Romano. J'avais les dents pourries donc. Difool. Ah. Cédric. Non, non, ça sent pas la merde. Le caca c'est bon. Marie. Moi ouais, je lui ai déjà pris la bouche à Difool une fois quand j'étais bourré. C'est vrai. Samy. Oh, Momo. 10 mètres de haut en moyenne, très vivace. Et Karim. Tu l'as embrassé, je sais pas quoi, non. Difool Radio Libre, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et la spéciale, attention, l'occasion de retrouver des super moments. Jacques et Michel, tout à l'heure, c'était super. Bravo, Cédric. Ah ouais, bravo, champion. Bah, de rien, de rien. Champion, mon frère. Merci, merci. C'est là que tu as acheté ton god, le Géroninium. Ah oh, ouais. Ah, pour Marie, ouais. C'est là. Géronimus. Ah, c'est ça. Géronimus. Ouais, je l'ai acheté pour Marie, je l'ai essayé avant. Il est très bien. Ouais, super, ouais. Merci. Bonne qualité. Faut toujours essayer avant quand on achète des trucs. Ouais, ouais. Bon, on aura Jason dans un instant sur Skyrock. On va jouer à Cocu ou pas Cocu. On fera ça d'ici la fin de l'émission. Cocu, pas Cocu. On a les collecteurs de Pamela retrouvés cet été. Et bien notamment cette semaine, bah, Pamela arrive. Ça va être chaud ce soir. Je vous ai prévenu. Hein, je vous avais dit que l'émission elle serait chaude. Ouais, ouais, ouais. Très, très chaude. Samuel est de retour avec les témoignages pour Samuel. Avec bah, lui qui se filme, il fait des pornos. Absolument, ouais. Voilà, des pornos comme ça pour le. Ouais, c'est ça, lui. Ouais. Tranquille. Il se fait plaisir. Et là, alors attention, on va parler. Bah, est-ce qu'il faut acheter un truc ou pas? On va en reparler tout de suite. Il y a une petite question que je voulais vous poser. C'est quoi le dernier truc que vous avez acheté? On va parler de dépenser de l'argent. Mano, ça te traumatise pas? Non, mais bon, ça fait chier quand même un peu. Alors, pour répondre, c'est quoi le dernier truc que vous avez acheté? Une bouteille de vin. Billet de train. Alors, une bouteille de vin, mais combien cher? 60. Ah, ouais. Mais c'est pour un cadeau, hein. Ah, moi aussi, c'était pour un cadeau, j'ai acheté une bouteille de vin. Cédric, t'achètes du vin, toi? Ouais, mais enfin, j'ai choisi au pif. Hein. Voilà, au j'ai, pif, pris, j'ai pris une marque super, ça s'appelle Piquette. Je l'ai acheté 1500. Mais dans ces cas-là, appelle-moi, Cédric. Je me suis dit, c'est du conseil. Bon. Oui, Piquette. Non, mais c'est bien, demande au vendeur. Ah, ouais, bah, oui, c'est ouais, bien. Ouais. T'as été chez un caviste? Voilà, c'est ça, ouais. C'est pour qui? C'est pour la Marie? Non, c'était pas pour Marie. Ah, c'est pour Romano alors. Ah non plus. T'as pas acheté du vin pour l'équipe? Ah bah non. C'est pas bien, c'est pas la reine de la villa. T'inquiète, moi j'en ai chez moi. J'ai un tonneau dans le salon. Tonneau, j'ai un cubi quoi. Alors quel est l'achat que vous avez fait? Donc un truc un peu. Moi j'ai acheté un pain de shit, ça marche à la place du pain au chocolat. Mais oui, bien sûr. Tartare qui nous laisse un message. Bienvenue à toi, Tartare, avec ton pain de shit. Asgobad qui a acheté un god ceinture, bien sûr, à 45 euros. 1000 euros un scooter 4 temps. C'est le message de Mamounia. Ah ouais, de toute façon, un scooter, ouais. Dis-moi. 1000 euros, c'est pas trop cher. 1000 euros. Ouais. Une motocrotte. Pas motocrotte. Ah ouais, motocrotte, oui. Pour représente le 93. Un manteau chez Zara, 159 euros, nous dit Flynn. Ah ouais, il y a Florent le Tourangeau, moi, un casque de gamer à 80 euros qui fonctionne bien jusqu'à présent. Bah tant mieux. Bah oui, bah, 80 euros. Le prix, ouais. Noob, une TO, ça va encore 80 euros pour un casque. Il y a plus cher pour un casque. Ah ouais, bah, par exemple, les Beats by Dre, il va être plus cher. Moi, j'entends pas de musique dans mon casque, c'est bizarre. Non, mais les gamers. Non, mais c'est un casque de moto, du con. Oh ouais, merde alors. Non, mais les gamers, il y a un casque. Oh, je me disais, j'entends pas la musique. Il y a des casques de moto avec Bluetooth. Enfin, ça se paye en plus, quoi. Un aspirateur à 3000 E. Je crois que c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule. C'est Fiu Molotov. Salut, c'est Fiu Molotov. Je sais pas si ça existe un aspirateur. Donc, Marie et Cédric, vous avez acheté. Si ça existait, il l'aura acheté, Cédric. Ouais, il va se renseigner. Ça dépend ce qu'il fait, tu vois, s'il est. Pourquoi pas? Un aspirateur à 3000 E, mais qui non, mais pour 3000 E, il te sue, c'est une encule. Un hey, au moins. J'espère au moins, ouais. Ah ouais. Minimum. Dès que tu te poses la question, un aspirateur à 3000 E, tu te dis pourquoi pas, mais ça dépend ce qu'il fait. Bah ouais. Ah, putain. T'entends, l'aspirateur, tiens, par aspirer, il va pas faire grand chose d'autre. Hein. Ah si, il y en a qui font. Il va pas faire grippin le truc. Hein. Non, mais les aspirateurs robots, maintenant, tu nettoies le sol. J'espère que tu vas acheter des trucs utiles, toi, Saïk, pas comme Cédric. Comment? Tu vas pas acheter un aspirateur à 3, enfin, tu vas pas acheter un aspirateur, toi? Non, non, je suis peut-être un pigeon et pas un prenard. Ouais, pas ah, bah ouais. Une télé 3D pour Noob. C'est bien les télés 3D. Faut avoir des lunettes chez soi et tout. Faut qu'il faut avoir les lunettes. Non, mais ça sert à rien. Ça va, il y a rien qui va en 3D, donc. Bah, si, des films. Bah, les films. Ouais, mais bon, c'est pas des films. Ouais, c'est pas des films. Non, mais de toute façon, moi, je vous le dis, pour avoir suivi l'économie de ces écrans 3D, les mecs, en fait, tous les fabricants, ils ont perdu de l'argent avec ça parce qu'en fait les gens s'en branlent. Ouais, c'est vraiment pour parce les passionnés de programmes. Cinéma. Non mais ouais, le seul là le nouveau truc c'est les écrans incurvés là. Non mais vous imaginez, je sais pas, vous regardez l'émission en 3D, oui. Vous voyez Quoique les Sun Mobile en 3D, ça peut être marrant. Ouais, pas mal. Ouais, ça, ouais, ça. Après, tu tombes sur Déco, bon, c'est moins super. Non, mais les émissions de télé, je sais pas. Sun Marie, ouais, mais il n'y a pas la télé, malheureusement. Non, non, il n'y a aucune émission de télé en 3D. Ça, faut que tu achètes un lecteur en plus, un lecteur 3D, c'est, ouais, laisse tomber. Ouais, non, mais bon, en général, si tu prends la télé, tu prends toute l'équipement. Oui, c'est toi qui as fait, sinon t'es un peu con. Alors, vous avez les écrans incurvés maintenant. Ouais, voilà. C'est la nouvelle mode, ça. Dernier achat. Un ST1 qui nous dit un nouvel ordinateur que j'ai monté à 1600 €. Ouais, achat bien cher. Un iPhone 6 pour Zoussi. Putain, moi, j'étais en train de réfléchir, mais FIFA 15 pour Anthony. Une PS3, 300 € pour le Gab. C'est cher, 300 € pour la PS3. Ah ouais, l'ancienne. Ouais, alors que la PS4, elle est sortie. Ouais, ouais. Il devait avoir des jeux avec. Une barrette de shit pour Vince. Alors je te rappelle que c'est illégal, sauf si tu l'as acheté en Hollande. Dans ce cas-là, oui. Par contre, t'as pas le droit de la ramener. Des Nike à 250 €. Une Play 4 pour Théo de Lille. Je sais qu'il y a plein de fans de pompe là qui nous écoutent. Karim est fan de pompe. C'est quoi le dernier truc que t'as acheté, Karim? Bah, c'est celle-là, gros. Ah, c'est bon. On a des Airfly. Des Airfly. Tu vois, celle-là. C'est des Airfly grises. Ah, j'ai les mêmes en or. Celle-là, man. Airfly grises. Ils ont les mêmes chaussures. T'as acheté ça? Tu dénais. Je les ai achetées, celle-là, je sais plus, 119. Non, non, 160, je crois. 160 euros. Putain, t'es fait. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que tu fais, man? Toi, tu les as achetées quand? T'as cramé la bulle d'air. Non. Ouais, c'est fait exprès, man. On appelle ça la classe. Romano, il veut récupérer le pendentif que t'as dans tes chaussures. Eh non, man. Bon, Ordi 399 €, casse PS3 170 € pour Erwan. J'ai acheté le Samsung Galaxy S5 hier après-midi. Prends-en soin, ne le perds pas, ne le fais pas tomber. Le Samsung Galaxy S5, c'est paranoïaque 28. 150 € le Galaxy S5. Ah, c'est paranoïaque qui a lui aussi acheté son Galaxy S5. Non, mais c'est pas cher 150. Le FIFA 5, il y en a beaucoup qui ont acheté FIFA 5. Jour de paye, nous dit, j'ai acheté un sac de frappe. Ah non, j'ai vu un sac de frappe Louis Vuitton à 775 000 €. C'est possible. Non, si, il existe. Ça existe. Si, il y a un sac de frappe, ouais. Il y a un sac de frappe Louis Vuitton, j'avais vu, ouais. Imagine, t'as acheté un truc, j'ai pas tapé dessus. Je l'ai acheté. Ah ouais. Acheté, mais jamais de la j'ai fait un crédit sur 50 piges. Et c'est confirmé, la 3D, ça marche pas. Un micro 200 € pour Clément. La 3D, c'est nul, c'est confirmé par tout le monde. Et si c'est Gradur King. Gradur King qui nous dit un micro, c'est pas bon. La 3D, c'est de la merde. Et si, juste à l'auditeur, la 3D, en fait, c'est. Tu peux créer la 3D avec tes émissions de télé. Ouais, en fait, non, il faut une imitation de 3D, c'est... quoi. Mais ouais, mais vu que c'est pas tourné pour, il y a. Ouais, ouais, c'est de la merde. Tandis que les DVD qui sont tournés, enfin les Blu-ray qui sont tournés c'est pour. C'est de la vraie 3D. C'est impressionnant quand même, ça marche super bien, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux? Des mangas 300 €, putain, tu dois être fan, toi. T'as acheté un paquet. Quoi. Luxus 82, là. Alors, qu'est-ce que tu veux acheter? Toi, t'hésites entre deux trucs, en fait, Saïk, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, j'hésite entre un PC ou une console de salon. PC, c'est quoi une console salon? Bah, genre, c'est PS3, Xbox. Pourquoi tu dis salon? Bah, c'est comme ça qu'on dit. Ça qu'on dit, ouais. Hein? Ah bon? Console de salon, je crois que c'était les meubles des grands-mères, moi, tu sais. En fait, tout bijoux et tout. Tu veux un meuble de grand-mère? Ouais, bah, prends le PC. Non, prends le PC dans ce cas-là. Je vais acheter un buffet. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Moi. Alors, toi, c'est surtout pour jouer. L'avantage du PC, c'est que tu peux aller sur le net en plus. Ouais. C'est ça. C'est multifonction, quoi. Puis le PC, tu peux jouer si t'aimes jouer en plus. Oui. Bon, qu'est-ce que vous prendriez? Les prix, c'est quoi? Le prix du PC, le prix de la PS? Ça dépend ce que t'achètes comme PC après. Ouais, mais bon, justement, si tu veux l'acheter à combien ton PC? En fait, j'ai un pote qui le vend, qui est presque neuf, ouais. Qui vaut 700 €, mais qui me le vend à 200 €. Alors, ah oui. Ah putain, c'est un bon pote. 200 € et la PS4, elle coûte forcément. Ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas un truc foireux, ouais. Mais c'est ouais, c'est non, chelou, ça sent la 500 balles. Le mec, il te revend de la 200 balles, quoi. Tiens, prends. Alors, presque neuf en plus. Non, parce que je l'ai vu et je l'ai utilisé. Tu l'as essayé, ouais. Ouais, ce que j'allais dire, faut essayer avant d'acheter, ça c'est sûr. C'est clair, quand c'est de l'occasion, ouais, c'est clair. Donc qu'est-ce que vous prenez, PC ou la PS4 qui coûte 400 balles quelques, ouais. Moi je prends le PC. Putain, j'ai une technique pour toi, gros. Alors une technique de quoi? Mais mortel, ça veut dire l'ordi, tu le touches à 200 balles. Tu dis à tes parents que t'achètes la PlayStation à 400 balles. Ils te donnent 400 balles et au fait t'achètes l'ordi, 200 balles, ils dressent 200 comme balles. Ça, tu voles tes parents, c'est sympa. Waouh, mais t'as vu, Romano, il essaie de te piquer ton crédit. Voilà. Ouais, ouais, non, mais j'entends ça, ouais. C'est le truc, c'est que les parents, ils sont peut-être pas complètement débiles non plus. Tu leur dis, finalement, non, j'ai acheté un ordi à 400 balles. C'est les conseils pas chers de Karim. Qu'est-ce que t'en penses, Romano, du conseil pas cher? Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Après, il faut que les parents, ils soient un peu gogo, mais. Ouais. Et le mien, ils sont pas gogo du tout. Voilà. Ah, donc ça marchera pas. Désolé pour ton conseil pas cher, Karim. Le conseil pas cher, ton ballot. Voilà, complètement. Et ouais. Et Romano, il est content. N'est pas une pince qui veut. Bon, tiens, dites-nous ce que vous en pensez. Vous prendriez quoi? Donc, le PC à 200 € ou alors la PS4 à 400 €. À vous de choisir. Vous nous dites, on fait un petit sondage express. Allez, sondage express. Sondage express, c'est parti. Moi, perso, je prendrais le PC. Mais Romano, moi aussi. C'est moins cher? Ouais, moi aussi, le PC. Non, c'est même pas ça. C'est que, le PC au moins. Et puis, tu peux jouer dessus si tu veux. Un truc, quoi. Tu peux jouer en ligne. Ouais, le PC plus. Ouais, la PS4 aussi, tu peux jouer en ligne. Ouais, mais le PC est plus multifonction. Mais... C'est ça, ouais. Exactement. Mais comme tu es fort dans le gaming, Diffoul, moi je prendrais un iPad Air. Ah ok. Moi un lampadaire. Oui. Lampadaire. Non. Pas très bien. On enlève de la bouche. C'est très joli. Mais c'est oui, Cédric, c'est très très joli. Bon, on a tiens Pamela qui arrive dans un instant et je vous le dis. Bonsoir les zouzous. Elle est chaude ce soir. Ah ben, attends, c'est l'été, je suis chaude. Chaude, chaude, chaude. Chaude comme un barbecue. Et on va se faire donc les collecteurs de Pamela et un collector, mais alors qu'on aime, c'est Bertrand. Tout le monde bien là. Oui, c'est bien Bertrand, c'est bien. Ouais. Oui, c'est bien Bertrand. Ouais, je suis en train de branler. Le mec passe sa vie à ça, c'est le branleur le plus rapide du monde. Ah, ouais, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui est sexy en plus. Grave, on se prépare pour Pamela et on va prendre les témoignages. Alors, les témoignages qui arrivent pour Samuel là, qui se fait des films de cul. On a qui au téléphone avec nous? C'est Sabi. Sabi. Salut Sabi. Salut. Salut Sabi. Sabi de Valence. Bienvenue à toi Sabi. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah écoute bien, bien. Parle bien dans ton téléphone quand t'entends bien Sabi. Ah, je suis désolé, c'est bon là, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. T'appelles pour agir par rapport à Samuel. Alors, ça t'a bien fait rigoler l'histoire de Samuel. Ses ébats sexuels. Oui, alors Samuel qui se filme en train de. Enfin, t'es dans un couple libertin, tu te filmes en train de faire l'amour avec ta avec meuf. Avec ta meuf. Et avec d'autres aussi, Samuel. Ça. Ouais. Et tu veux devenir acteur. Et maintenant. Tu veux devenir acteur X. Avec tout elle. D'ailleurs. Normal. Acteur pornographique. Tranquille. Tranquille. Et voilà. Donc c'est un vrai truc pour toi, hein, parce que bon, parfois on déconne. Moi, c'est un vrai projet. On dit j'aimerais bien être acteur X parce que je peux baiser plein de meufs comme ça et en plus on me paye. Bon, ça c'est pour rigoler. Après, quand on réfléchit aux petits problèmes que tu peux avoir avec la famille, ah ouais, puis un paquet, hein. Quand tu feras des gosses aussi, t'en as pas encore fait, mais quand tu feras des enfants et tes amis et tout le reste, bah ouais, tout ça. Tu te dis ça peut poser 2-3 soucis. Après, t'es à vie sur le net, hein, ça faut pas oublier. Ah oh, putain, ouais. Et ouais. Non, mais t'as pas peur, toi. Non, mais il y a l'autre, là, elle en parlait, là. Comment, Laure Manaudou. Ah, Laure Manaudou. Tu sais, il y avait les photos qui étaient sorties, là. Quand tu sais son en italien, là. Non, mais justement, mais non. Alors ça, j'ai appris un truc, moi. Ouais. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, Laure Manaudou, il y avait des photos d'elle qui étaient sorties. Elle était à Walpé, tout ça, ouais. Et en fait, c'était pas du tout l'italien qui a balancé les photos. C'est qui? C'est un ex à elle français. Ah ouais? Ah ouais. Et en fait, elle, à l'époque, vu qu'elle était en embrouille avec l'Italien, là, ils étaient en rupture. Mmh. En fait, elle a fait exprès de rien dire, de pas démentir comme quoi c'était lui, pour lui faire une image de merde. C'était une vengeance. Ah ouais, ok. Ouais. Et en fait, et l'Italien, elle était pour rien. Tout le monde pense un enculé, en fait, le mec est pour rien. Non, mais a priori, bon, il lui a fait la misère sentimentalement, quoi. Tiens, elle a, je sais pas, elle racontait une petite vengeance comme ça au passage. Ouais. Quoi. Et en fait, c'est sorti à ce moment-là. Et en fait, c'était un ex à elle qui était français avec qui elle était sortie, un nageur plus âgé qu'elle. Ah d'accord. Qui lui avait dit ouais, fais des photos. Et elle a dit ouais, ouais, elle était à l'époque. Elle s'est fait avoir. Elle, à l'époque, elle l'a fait. Et le mec a balancé ça à un moment donné. Quoi. Ouais. Donc faut faire attention à ce que tu. Et elle disait ouais que tu sais ça l'a traumatisé. Ouais, ça l'a traumatisé. Que bon, maintenant ça allait. Tiens, maintenant ça allait quoi. Ouais, bah, j'imagine. Mais ça passé. Hein. Non, mais elle avait peur parce qu'elle a une petite fille ou un petit garçon elle. Ouais. Et elle raconte. Si, bah avec qu'elle a eu un nageur, là, Frédéric Bosquet. Là. Bosquet. Non, mais là, c'est avec des nageurs, elle. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais il paraît que c'est dans les équipes de natation, ça baisse dans tous les sens. Hein. Ça doit baiser dans et l'eau. Et en fait, elle disait que le seul truc. Bah, l'italienne, la Pellegrini, qui sort avec. Elle sort aussi avec un nageur, elle. Bah, elle était sortie avec l'ex de Manoudou, là. Exactement. Ah, mais je vous dis, les nageurs, ils couchent tous ensemble. Mais lui, il baise à tout va, lui. Non, mais t'es nageur, tu baises tout. Ouais, tu baises, tu nages et tu baises. Tu nages, tu baises. Tu nages en baisant aussi, des fois. C'est plus fort qu'un film de cul, être nageur. Ah ouais, c'est ça. Et elle a raconté qu'elle avait peur, justement, que sa petite fille ou son petit garçon tombe dessus dans les années à venir, quoi. Bah oui, ça peut arriver. Donc, bah ouais, c'est le principal inconvénient qu'on a vu dans ton idée de devenir acteur porno. Pour l'instant, tu fais des petites vidéos avec ta meuf, toi, Sam. Et donc Sabi, qu'est-ce que tu voulais dire avec ta meuf, Qu'est-ce que tu voulais dire Sabi par rapport à tout ça? Bah voilà, moi j'ai rencontré une meuf l'année dernière à mon anniversaire. Mmh. Et puis du coup bah je suis resté en contact avec elle et je me suis dit ouais, pourquoi pas se mettre en couple avec elle, on va pas y aller. Quoi. Donc t'es sorti avec elle. Quand tu dis que tu l'avais rencontrée l'année dernière, vous aviez couché ensemble l'année dernière en fait. Non, du tout. On s'est rencontrés à mon anniversaire, tu vois, et puis. On est bien resté en contact, enfin, ça c'est le feeling qui était, tu vois. D'accord, ouais, donc en fait une connaissance et t'as voulu approfondir. Voilà. Voilà, et puis Facebook et tous les réseaux sociaux, ça a commencé à se parler de plus en plus. Puis moi je l'ai rencontré vu qu'elle habitait à plus de 30 km de chez moi. Mmh. Moi je l'ai vue, puis voilà, une fois on a couché ensemble, puis après on s'est revus et elle a franchement, c'était son délire à elle, quoi. Elle aimait bien, elle aimait bien le faire, quoi. Un peu comme l'ex-Romano. Non, elle aimait bien faire quoi? L'amour ou alors se filmer? Non, elle aimait, non, mais elle aimait le sexe, quoi. Ah, elle aimait la bite. Elle aimait la bite. Oui, bon, on peut lui dire c'est comme ça aussi, ça revient au même. Non, mais pour toi, ça habite. Toi, t'as 18 ans, elle a quel âge, la meuf, elle? Elle, c'est la mon âge, elle est née en 96 comme moi. D'accord, c'est le même âge tous les deux. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes couple? Non, aujourd'hui, non, c'est terminé. Mais pour revenir sur l'histoire avec Samuel, elle a voulu que. Quand on se filme tous les deux, elle m'a dit peut-être qu'il y a moyen que tu fasses mieux derrière une caméra, quoi. Ah, donc elle t'a proposé de faire un petit film. Et toi, t'as dit oui? Ouais. Bah, moi, franchement, je m'en foutais. À l'époque, je m'en battais les couilles. Tant que je pétais mon cou. Oui, toi, tant que tu pouvais tirer un coup, péter ton cou et lui péter le cul, accessoirement. Ça mérite d'être clair. Tu t'es dit, bah, pourquoi pas faire un petit film? Faut être clair. Ouais, mais moi, les films. T'as pas eu peur que la meuf, elle le balance? Ouais. Moi, j'ai pas confiance. Bah, ouais, non, mais le pire, c'est quand elle a appris que moi derrière j'étais avec une autre fille, quoi. Ah, elle a voulu se venger. Quand j'ai dit que c'était fini, moi j'ai vraiment cru qu'elle allait balancer ça à tout le monde, tu vois. Filmer, oui, mais c'est moi qui filme. Et c'est dans mon téléphone. Ouais, c'est clair. Exactement. Ouais, moi aussi, je laisse pas les images à quelqu'un d'autre. Parce qu'après, moi, ouais, tu sais, je serais pas un enculé à les balancer par la suite, quoi. Parce qu'au final, tu balances, mais t'es dedans aussi, quoi. Oui, et puis tu balances, et puis tu peux t'en trouver. Il y a des gars et des filles qui ont fait de la prison pour ça. Ouais, non, mais moi, je trouve ça con de balancer. Parce que quand t'es en train de niquer, tu sais, au final, t'es. C'est ta bite, toi aussi, ouais, on te voit dedans. Ben ça, donc, c'est l'affiche aussi, hein. Même si t'es en train de déglinguer une meuf. T'sais, je sais pas, t'es à poil par tous les gens, c'est pas super. Non, mais après, on a parlé tous les deux. Moi, je suis un mec, voilà. Je suis mature dans ma tête, elle aussi, elle savait ce qu'elle faisait, tu vois. Ouais, donc elle a jamais balancé les... J'ai pas refusé, parce que c'était une nouvelle expérience, il faut tout essayer dans la vie. Et toi, quand t'as regardé les images que tu t'es vu en train de baiser la meuf, tu t'es trouvé bien, tu t'es dit, putain, on dirait un film de cul, ou putain, là, je baise moyen, ou là, j'ai une position chelou, parce qu'on a des positions cheloues quand on baise, parfois, on se voit pas. Ouais, puis on doit faire des gueules de con. Franchement, toutes les questions se frottaient dans ma tête, il y avait tout, mais je me suis dit, ouais, franchement, mais nique sa mère. Et ça te réexcitait, c'est-à-dire quand tu regardais les images de toi en train de la baiser, tu rebondais, enfin, tu te disais, ouais, super. Ça, je l'ai bien démonté. Ah ouais. Ah putain, je lui ai bien mis sa race. Vas-y. Absolument, ouais. Ouais, et pour les films de cul, fais attention parce qu'il y a Emmanuel du Portugal là qui nous dit il va devoir baiser des meufs moches, des vieilles d'abord avant de baiser des bonnes meufs. Bah regarde de l'autre, là, on en parlait l'autre matin là, de la télé-réalité là, Cindy Lopez. Ah oui, là. Putain, là, ça y est, elle a tourné un truc. Cindy Lopez. Celle qui a une tête de cochon. La blonde, là. Qui a une tête de gorée. Ouais. C'est ça, ouais, c'est elle. Non, mais c'est bon. Moi, les meufs de la télé-réalité, je les oublie. Non, mais c'est à l'ancienne. Elle fait quoi? Bah, elle. Ouais, la des premières. Ah ouais? Un truc d'argent. Ouais, et la meuf, en fait, elle a tourné pour Jackie et Michel, s'il te plaît. La classe. Oh putain. Bah, tu te retrouves à niquer. Ouais. Tu vois, tu deviens acteur, on te dit, bah, faut niquer ça. Bah, je dis non, moi. Ouais, parce qu'elle dégoûte un peu. Ah ouais. Putain, c'est abusé. Mais il y a Lali aussi, là, qui fait des films de cul. Là. Ouais. Celle qui était keuf. D'ailleurs, ouais, je vais te niquer ton. Non, mais elle, c'était le premier Secret Story, je crois. C'est une ancienne keuf. Ouais, c'est une ancienne keuf. C'est une Secret Story, elle. Tu sais, mais ouais, je rappelle comment parler. Non, mais ouais, la même. Je te nique ton ass. Ouais, je te nique ton ass, tu parles pas comme ça, je vais m'empêcher, moi. Un coup de matraque dans ta gueule. C'est féminin. Et après, tu me matraques le cul. Non, mais ouais, elle parlait comme un bonhomme, là, t'as vu? Ouais, tu parles pas mal. Tu disais, Samy, on t'a pas entendu. Non mais je vais revenir sur Lali là. Ouais. Elle tourne avec Marc Dorcel. Waouh, elle est rentrée dans une team de classe. C'est ouais, quoi, ça reste des films de boules. C'est clair. Bon. Ouais. C'est pas Jackie et Michel. Ouais, je dis que t'en rose. Bon, ça te donne pas trop d'informations quand même. Comment? Ça ne donne pas trop d'informations. Non, mais comment on fait pour tourner? Non, mais si t'as vraiment envie de le faire, bah tu peux contacter Jackie et Michel. Bah, ouais, bien sûr. Jackie et Michel, c'est quand même là. Bah ouais, mais bon. Ah ouais, non, mais toute façon, on va commencer. Non, mais pour moi, tu sais, c'est. Même si tu tournes pour n'importe qui, Marc Dorcel ou je sais pas trop qui, mais ça reste un film de cul. Hein. Ouais, mais bah, c'est quand même plus la classe, tu vois. C'est pas filmé au caméscope. Ouais, non, mais c'est la classe. Ouais, c'est pas dans un parking non plus, tu vois. C'est pas. Ouais. Non, mais même, quoi, c'est pour moi. Ouais, il y a le décor qui change. La qualité de l'image, mais moi, ce qui reste pareil, la meuf elle se fait déglinguer pareil, le mec il la pile. Mais moi ce qui me fait halluciner sur Jackie Michel, c'est que la meuf, bon, moi j'ai regardé des Jackie Michel, il la rencontre dans la rue, donc t'as la meuf dans la rue qui monte sa chatte sur un banc. Ouais, normal, devant les gens. Normal, et puis après elle arrive dans un appartement, alors là t'as des gars qui sont habillés mais avec des cagoules, c'est-à-dire qu'elle se fait baiser mais elle voit pas la tête des gars. Ah non, elle voit pas. Quel enfer. Elle voit le corps, des fois c'est des gros. Des fois, tu vois, sur du Marc Dorcel au moins tu vois la gueule des gars. Oui. Mais bon, t'imagines, t'arrives dans une pièce. Il y a une meuf, elle a un masque, elle enlève le masque et non, mais en fait, elle a une tête, je sais pas, par exemple, prendre un exemple, elle a la tête de Cédric. Bah quoi, quoi, une meuf avec la tête de Cédric? Bah oui. Putain, c'est chelou ça. Bah, quand il fera une fille, elle va lui ressembler, sa fille. Oh merde. Bah, enfin, un mec, si elle ne ressemble pas à Cédric, faut t'inquiéter. Bah oui, oui. Donc imagine. Donc voilà, et à un moment, elle enlève sa cagoule, et là, tu vois une fille qui a la tête de Cédric. Ah, mais moi, de toute façon, moi, je la baisse pas, mais que ça soit n'importe qui, parce que j'ai pas envie de tourner dans un film de cul avec une cagoule ou ouais, pas. Voilà, quoi. Comme ça, le problème est réglé. On salue Lucas du 13 qui a le t-shirt Jack et Michel, la classe. Ouais, mais il faut des soirées en boîte, ouais. Waouh. Tu sais, il faut tourner Jack et Michel. Mais c'est grave. Quoi, c'est des soirées baises? Non, mais c'est des soirées dans une boîte, ouais. Et en fait, il y a des meufs, je sais pas, qui doivent venir et se toucher la chatte sur la scène. Sympa. Et distribuer après, des cadeaux. Ouais. Merci qui? Merci Jack et Michel. Merci Jack et Michel. Il y avait un disque, t'es ouais, sorti. Ouais, ouais. Non, après tu peux monter ta pop boîte de production, c'est comme ça que tu te feras le plus d'argent, c'est ce que nous dit London sur SMS. Mais moi je te dis, je pense que le cul c'est plus du tout un bon business. Même Marc Dorcel, l'autre fois il était en interview dans Capital, le magazine. Le mais version papier, ouais. Ah ouais. Eh ben le mec il galère maintenant. Hein. Parce qu'en fait tous les trucs gratuits genre YouPorn et tout ça, les mecs ça leur nique complètement leur business. Ouais, c'est ça exactement. Donc toi tu vas faire une vidéo. Pourquoi payer, quoi, tu vois, alors qu'il y a des millions de vidéos gratuites. C'est vrai. Donc le business, il est... Oui, mais bah bon, il y en a qui doivent quand même faire de l'argent avec. Ouais, moi je pense beaucoup moins qu'un. Ouais, les mecs, ouais, c'était proprio de YouPorn, quoi. Voilà, deviens proprio de YouPorn. Non, mais ouais, c'est YouPorn, voilà. Voilà, Samuel. Si je pense, okay, mais tous les gens qui sont là-dessus, je pense qu'ils touchent pas un rond. Hein. Après, réfléchis quand même au fait de mettre des vidéos de toi. Moi, j'avais des amis de trois vidéos déjà sur YouPorn. Faut le nom. Ils ont contacté. J'ai même là contacté, envoyé un mail à Canal Charme. Canal Charme. Mais l'autre fois, j'ai vu un reportage gros sur des gens. C'était un couple. En fait, la meuf, elle avait créé un site internet. Tu vois, elle avait mis plein de caméras chez elle. Et en fait, fallait s'inscrire et payer pour pouvoir les regarder. Donc, tu les voyais baiser, tu les voyais. Ah, en fait, c'était comme un love story, mais chez elle, tu vois. Et ah, mais c'est vrai, j'ai vu ce truc. Et là, j'ai tu peux faire des sous, là. C'est un truc espagnol ou je sais pas où. Ouais, je sais plus. Avec un accent de. Ouais, mais bon, ils touchaient grave des sous. La meuf, apparemment, elle vivait bien de ça. Hein. Ou espagnol ou brésilien, je sais pas, j'ai vu ça aussi, ouais. Après, c'est une caméra dans chaque pièce et après, c'est que t'as plus de vie. Ouais, j'ai déjà vu, ouais, mais je sais plus. Oh, mais bon, apparemment, ils sont libertins, donc ça va. Ah, bah, je pense qu'il faut, ouais, il y a un peu déglingué, je pense aussi. Aussi, ouais. C'est quand même pas. Non, mais, oui, bah, même, ouais. Parce qu'après, il y a plein de libertins, tu sais, justement, c'est un peu caché et tout, tu vois. Ah, ouais, non, la meuf s'empresse. C'est rare que tu rencontres quelqu'un, salut, je suis libertin. Après, il y a aussi les jeux de rôle, il y a plein de choses, il y a plein de délires. On va partir dans plein de délires après. Jeux de rôle. Toi, t'es un fan de cul, toi, en fait. Hein. On a compris, Sam. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, et puis t'aimes bien te montrer et tout, quoi. Donne-nous les adresses de tes vidéos. T'es un peu exhibe. Pas de soucis, ben, je vous envoie ça par mail. Eh ben, du coup, tu envoies ça par mail, difool@skyrock.com. Non, mais. Regarderai, je te donnerai mon avis de spécialiste. Non, mais envoie sur Romano, comme ça, on pourra aller regarder direct, là. Parce que difool, il a pas ce mail, là. Oui, au revoir, okay, Romano. Ça marche. Non mais c'est vraiment pour l'émission. Hein. Moi aussi, ouais, évidemment. Moi c'est juste pour l'émission. C'est juste pour rendre service que j'ai mon mail juste là. Bon alors vas-y. @skyrock.com et avant minuit on regarde la vidéo alors d'accord. Ok ça marche, fais ça. Je peux bon, attends, tout de suite. On te reprend tout de suite. Ouais vas-y des petites dédicaces. Ok bah je passe une dédicace à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, à ma cousine qui est en train de m'écouter, à son copain, à son cousin, à tout le quartier du Palais, à tous ceux qui me reconnaîtront. Eh ben tu big up tout le monde. Quitte pas ça, on te reprend tout de suite. Et puis merci à toi Sabi pour le coup de fil. Salut Shakiki. Non, c'est pas Shaki. C'est Shabi. Sabi. Salut Shakira. Voilà, c'est ça. Non, c'est Waka Waka. Salut Sabi, raccroche pas. T-shirt Skyrock pour toi et Pamela pour tout le monde. Allez. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Bah justement, écoutez comme il est sensuel, lui, c'est Bertrand. Bertrand cherche les femmes coquines et sensuelles pour l'amour au téléphone au plus 06-33-10. Mec, au taquet. Mais il pue la sensualité. Ah oui, au plus vite, le mec n'en veut plus. Ah ouais. Bon, c'est Bertrand. Ah, il est sensuel aussi. Ah ouais. C'est trop mimi. Le coup de fil de Pamela à Bertrand, c'est pour nous. Oui. J'en aurai un autre à vous mettre d'ailleurs avant minuit. Mais il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Allez, Pamela, Bertrand tout de suite, gros collector. La rente. Ah oui. Oui, Bertrand. Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela à l'appareil. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, j'ai entendu ta petite, ton petit message, là. Ouais. Écoute, moi, je serais éventuellement intéressé, je te dérange. Oui, mais... Allô? J'ai envie, là, j'ai très envie de toi, là. Comment? J'ai très envie de toi. Ah, et tu es comment, toi, là? Ouais, je me branle bien, là, je suis là. Oui.

broads in Atlanta. Twisted the meanest shit, sipping Fanta. Credit cards and the scammers. Wake up beside you, let it sign. Over to Lattie shoot. They be acting red time, they'll be clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, Fanta. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it. Pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. Paroli is dancing bigger than the pound. Go out to a Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up in the giddy. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers, pull off in the inner, baby. CTDD, pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like I'm feeling, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banda. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Package sport, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your panda. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banda. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they can pull up your banda. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock. Et merci à vous d'être là tous les soirs, même pendant l'été. Vous profitez de la radio libre. Mais nous aussi, on en profite avec Avant Minuit. Jason, problème de love. Alors, si vous nous écoutez, que vous avez problème de love, on est à votre service. Alors, la question du jour, c'est cocu, pas cocu. Ah ouais, bah, c'est pas cool, ça. Eh oui, non. Cocu, pas cocu. On va essayer de décider avant minuit. Là, on a Jason qui est au téléphone avec nous, qui nous attend. Il y a Pamela qui nous attend aussi, qu'on va retrouver dans un instant. Mela, Saïk, eh ben, qui doit être toujours dans le coin. On doit choisir PC, PS4. Qu'est-ce qu'on prend? Tiens, on va voir ça. Toujours là avec nous, Saïk. Ouais, je suis là. Tu sais que tu rajoutes une lettre à ton mot, tu rajoutes un D, ouais, comme ça fait Sadique. Ça fait Sadique. Pas mal le prénom. C'est pas mal. Ça pique. Ça pique. Ça pique aussi, c'est vrai, ouais. Bah, c'est vrai, on peut beaucoup peut jouer avec ton nom. Oh, ouais. Super. Ouais. J'imagine que. Et aussi, je tiens à dire que je vote pour le beau, le magnifique Romano. Ah merci. Saïk, ouais. Magnifique. Oh, merci. C'est... Moi, je dirais rien. Ah, vas-y, prends ton PC, comme ça, tu pourras envoyer un bloc de vote pour moi, voter Romano. Alors, mais je respecte la team Cédric, le Belge, parce qu'elle perd. Il a dit le Belge. Il a dit le Belge et paf. Et le standard, c'est bizarre ça. Hein. Ça a coupé derrière. C'est dingue. Même c'est le standard. J'ai fait faire quelques réglages aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre, ouais. Bon, alors, Saïk qui nous a appelé. Je résume pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourse soir. Parce qu'il hésite en fait. Il a le choix entre un PC à 200€ et une PS4 à 400€ et il sait pas quoi prendre. Vous avez voté en masse depuis tout à l'heure. Merci. En tout pour cas, il faut faire gaffe parce que le PC à 200€, il y en a plein qui disent que à ce prix-là, le PC, genre pour certains jeux, il va galérer à tourner. Ouais, Ah ouais. Ouais ouais, c'est possible. Bah, que ça soit un peu mémoire, de la merde. Quoi. Je prends le PC à 200€, je le revends 600€, j'achète la PS4 et il me restera 200€. Tiens, vous avez des idées, mais c'est fou ça. C'est Gringo 59200 qui vient de nous laisser un message. 23 ans dans le nord de la France. Salut à ouais, toi. Bah après, il faut avoir la gueule du PC s'il est un peu dans le ventre, quoi. Il y avait une méthode, un conseil pas cher qui a été donné par Karim, bon, approuvé par Romano. Le conseil pas cher de Karim, c'était quoi, Karim, ton conseil? C'était de faire croire aux parents qu'il va s'acheter une PlayStation. En fait, il prend les 400 balles et au final, il s'achète l'ordinateur à 200 balles et il garde 200 pour lui. Bien, heureusement qu'il y a des auditeurs comme Yanis qui nous a laissé un message. Il est où, Yanis? Ah bah, je l'ai perdu, Yanis. Qui nous disait, moi, ah si, j'ai retrouvé. Yanis du 78, moi, si je carotte mes parents, je me sentirais mal. Ah bah ouais, direct. Ça fait plaisir. Bah, oui. Bon, tu veux les résultats? De toute façon, Saïk, il avait dit que c'était pas possible parce que ses parents c'était pas des pigeons. Ouais, en plus. Ouais. Saïk, la réponse. Alors, c'était quand même assez serré. 41 contre 47 contre 53, pardon. Oui. 47 on va y arriver. Hein. T'as du mal. Ouais. Donc en gros, ça va pas te donner beaucoup de renseignements, mais vous prenez plus le PC. Non. Ah ouais. La PS. Ah bon. Ah ouais, non, la PS. Tu t'es sûr que tu n'étais pas trompé, Momo? Moi, il me semblait que je voyais du PC dans tous les sens. Momo et ses célèbres comptes. Je prends le PC parce que moi, je vois plein de messages avec PC. La PS4 est mieux, d'accord, ok, pour Nico Boss. Mais tu vois, il y a encore Jérôme, la PS4. Là. Les jeux marcheront pas sur PC. Il faut un PC haut de gamme pour que ça tourne. Ouais. Oui, mais le PC que mon pote, c'est un PC, enfin, pas gamer, ouais. mais c'est un PC qui fait tourner la plupart des jeux. Mais c'est donc, quoi voilà. comme marque? C'est du TOC, c'est la marque du TOC, ouais. C'est japonais, c'est pas mal, c'est tout neuf. Non, c'est un HP Pavilion DV7 avec wow. 6 gigas de RAM, 6 ou 8, je crois. Il y a des RAM avec, génial. Oui, Marie, si ouais, tu vas à la mer. Ah, c'est super. Ah, ça, c'est vraiment bien qu'ils donnent des RAM avec. Et il y en a même 6. Non, avec un Intel Core i5 ou i7, en fait. Et ah, ouais, c'est technique, là, tu nous sors des trucs. Détail technique de l'appareil. Ouais, c'est ça. Le HP Pavilion, quoi. Bon, bah écoute, en gros, c'est 50-50 hein, pour les deux, parce que les messages continuent. Ceci, ah, et Goldman Sachs, s'il continue, qu'il oublie le HP Pavilion à une carte graphique pas assez puissante. Et t'en fous, lui. Bah, c'est ce que je me disais, et justement, avec les sous que j'économiserai avec la PS4, me reprendre. Pour l'équiper, bah oui. Une carte graphique. À la limite, oui, c'est vrai. Moi, j'aurais pris le PC, hein, perso. Ouais, moi aussi, ouais. Romano, t'aurais pris le PC. Ouais, moi aussi, t'aurais pris le PC. Ouais. Très bien. Ouais. Ouais, PC, parce que ouais. Marie, elle a encore un Minitel, donc elle voudrait changer un peu, se mettre un petit peu au. La machine à écrire, elle. Ouais. J'ai encore la machine à écrire, ouais. Tu veux te mettre un petit peu à la page. Très bien, Samy, t'aurais pris le PC ouais, aussi. Le PC direct, ouais. Et moi, Karim, j'aurais pris la PS4. Toi, t'aurais pris un peu, t'aurais pris la PS4. Ouais, j'aurais joué, ouais. T'aurais joué. Oui, ouais, c'est vrai que pour, si tu prends une PS4 et si tu joues pas, c'est un peu. Bah non, mais surtout, ouais. Un jeu, tu peux pas jouer au Call of sur ordi, tu vois, c'est relou. Si, il existe, non. Ouais, mais c'est relou, gros, tu vois, sur PS4, c'est mieux. Bon, je sais pas ce que tu vas faire. C'est vrai qu'il y a juste Bilal qui voulait réagir lui aussi en direct avec nous. Il est à Toulouse. Salut Bilal. Un petit conseil consommation. Ouais, petit conseil conso pour Bilal. Alors. Salut Bilal. Salut Bilal. Qu'est-ce que tu ferais toi? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu ferais Bilal Moi, toi j'avais le choix pareil entre une PC et une Xbox One. Ouais. J'ai pris l'Xbox One, mais bon, après, tu t'en lasses beaucoup, tu vois. Donc, je l'ai vendu quelques mois après, sachant qu'il faut acheter les jeux qui coûtent 60€, ouais, l'abonnement Internet et tout ça. Mmh. Ça revient cher au final. Donc, au final, toi, tu conseillerais plus le PC. Le PC plutôt que la console. Ouais, c'est mieux. Bon, je sais pas ce que tu vas faire, Saïk. Déjà, le PC, bon, t'as moins de risques, il est moins cher. Ouais, déjà. Ouais, et compter 400€ plus les jeux à 60€ et l'abonnement Xbox, PlayStation Live et tout ça, ça va revenir à 600€ à peu près. Et 600€, comme on le dit souvent dans l'émission. Ah bah c'est très cher. Ouais. C'est très cher, voire même très très cher. Ah ouais, ça. Donc Bilal, tu conseilles la plaque, sinon, c'est bien le noté. PC, ouais. Le PC. Alors attention, juste un dernier conseil pour toi, Saïk, et puis après tu choisiras. Ouais. X-Demon qui nous fait, regarde bien la composition graphique et l'avantage... que non mais ça va, t'as l'air de t'y connaître donc et que le store des jeux sur ordi te plaise, voilà en gros. Ouais, ça va. Enfin, quoi, j'ai un ordi déjà, mais il fait problème, il demande parce que bon, il est pas assez puissant quoi. Bon bah écoute, à choisir. Donc je t'ai dit les votes. Par rapport au store en général, il y a plein de jeux qui sortent sur console, qui sortent sur PC aussi, tu vois. Donc c'est à peu près 50-50. Donc on les jeux sur PC, ils les vendent moins cher que sur console, non? Ouais. Par exemple, un jeu équivalent, je sais pas, genre FIFA, il existe sur console, sur PC. Ouais, il coûte 10 à 20 euros moins cher. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, ah, ça c'est à voir aussi. Faut le télécharger. Ouais, aussi on peut le craquer, mais c'est vrai. Ce n'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est possible. C'est interdit, mais c'est possible et gratuit. Ouais, les jeux sont moins chers sur PC. Sur console. Il faut changer les composants régulièrement pour pouvoir jouer au dernier jeu, par contre. Petit message de Ramos. Ouais, mise à jour. C'est la carte graphique qui fait tout dans le PC. Donc, regarde bien le prix de la carte graphique, regarde ce que ça donne. Non, mais ça va, t'as l'air de t'y connaître un peu, là. Tout à l'heure, tu nous donnais les composants et tout, je n'ai absolument rien compris. Moi non plus, mais t'avais l'air intelligent. Oui, ça avait l'air dual core, tout ça, là. Ça avait l'air réglo, ouais. T'avais l'air de t'y connaître. Bon, ben voilà, Saïk. Merci pour les messages pour Saïk. Et puis tiens-nous au courant de ce que t'achètes au final. Et t'achètes ça quand du coup alors? J'ai de l'argent à Noël donc je verrai, je décide à un moment. T'as le temps de réfléchir, ouais. Bon, Saïk, on te remercie, puis tu nous tiens au courant, tu nous dis si t'as fait le bon choix. Rappelle-nous, je sais pas, quand t'as acheté ça, bon, c'est après Noël donc on a le temps. Oui, oui. Pas de problème. Et tu peux revenir, ouais. Et tu peux même rappeler avant si tu veux, hein, Saïk, sans problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Rien n'est interdit dans la radio libre, tu le. Non, il n'y a pas une durée entre chaque appel. Bon, non. La preuve que rien n'est interdit, voici le retour de Pamela tout de suite. Et coucou. Une voix sensuelle. Ouais. Elle les fait tous craquer. Ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Eh bien, coucou, roucou, roucou, Pamela. Coucou, à vous. Les filles, si vous voulez séduire des mecs, c'est très tendance à New York et à Milan. Coucou, roucou. Bon, on s'est passé le premier coup de fil de Bertrand tout à l'heure, les collecteurs de Pamela. Voici Bertrand maintenant mis en contact avec les sons de Patrick. Donc, on a tous les sons dans un ordinateur. Vous allez voir, le mec va parler à un ordinateur. Oui, ce timbré. Ah ouais, le timbré. C'est parti, le coup de fil de Bertrand et Patrick, deux pervers pour le prix d'un. Oh, allez, c'est parti. Ah, c'est pas cher. Ah ouais. Oui. Oui, Bertrand. Oui. Oui, c'est Pamela, comment vas-tu? Ouais. Ça va, tu es tout nu là? Ouais. Tu faisais quoi? Ouais, je me branle. Ah, déjà? Ouais. Ah. Tu bon, travailles? Allô? Oui. Oui, tu travailles? Ouais. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? J'ai pas envie de parler de vous, j'ai envie de baiser. Ah, j'ai un copain qui doit arriver, tu aimerais nous écouter tous les deux? Ouais. Ah, et tu es tout nu là? Ouais. Elle est dure? Ouais, bien dure, ouais. Ah. Ah, tu sais... Je me montre bien les choses. Ah oui, parle-moi. Ouais, je me montre bien, j'ai très envie, là. Ah. Ah, mon copain vient d'arriver. Ouais. Ah. Je suis en train de masturber, là. Ouais. Ah. T'es en train de te faire baiser ou pas? Ouais. T'es en train de te baiser comme il faut, là. Ouais. Ah. Il faut qu'il t'encule, là. Ouais. Et encule-le. Ouais. Encule-la comme il faut. Ouais. Ah. Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Oh, elle est belle. Ah. Et votre touche est complètement écartée ou pas? Ouais. Mais non, tu n'as pas de chatte. Allô? Ça y est, viens là. Bertrand? Ça y est. Je crois qu'il a juté. Il s'est plié. Il est juté sur le son de Patrick. Normal, il parlait avec Patrick. Ah, ta chatte est bien écartée? Ouais. Putain, lui, il est grave. Et c'était le coup de fil de Bertrand à Patrick avec Skyrock au milieu et Pamela. Magnifique, très spécial. Bon, on retrouvera des Pamela d'ici la fin de ces spéciales. Et ben oui, et la spéciale qui continue avec Jason qui doit être dans le coin avec nous. Attention. Ouais. Parle love là maintenant. Love to love, yes. Baby. Salut Jason. Salut l'équipe. Salut à toi. Comment ça va Jason? Ça va. Salut, très Jason. Bien l'équipe. On va parler de vous les filles avec Jason. Ah. Pas des filles de ta meuf en particulier. Ouais. Mais bon, ça nous permettra de parler de vous toutes les filles. Vous êtes tellement belles. Ça. Et tellement chiante. Ah, c'est ça. J'attendais la deuxième partie de ta phrase. Et c'est pour ça qu'on vous aime très fort. Oui, ça dépend. Oui. Alors, Jason, explique-nous un petit peu, et puis écoutez bien Jason, si vous voulez réagir, si vous arrivez à la même chose, vous nous passez un petit coup de fil. Alors, voilà, Jason. Mais voilà, moi ça fait 2 ans que je suis avec une fille, où au tout début, dans les premiers mois, elle voyait encore son ex. Ouais, ça c'est toujours une très très bonne nouvelle, ouais, tu sors avec une meuf et qu'elle continue à avoir son ex. C'est moyen pour commencer une relation. Sans que je le sache, bien sûr. Non, mais elle voyait comment? Ils buvaient des coups ensemble, mais bien sûr. Non, ils tiraient des coups. Elle se cachait, et là, depuis quelques jours, elle est grave distante avec moi, et je pense qu'elle est encore en train de me faire parler qu'avec lui, en fait. Et comment t'as su qu'elle le voyait encore? Non, en fait, elle doit avoir d'autres personnes, en fait. Mais d'autres mecs. Oui, mais comment t'as su qu'elle voyait son ex? Son ex, parce qu'après, elle me l'a dit au bout de quelques mois. Ah, d'accord, c'est elle qui t'a avoué. Et là, ouais. Depuis combien de temps elle est un petit peu distante? Ça va faire quoi, une semaine, à peu près? Oh, c'est pas ce que voulaient les filles, parfois. C'est fou, ouais, ça. Ouais, quoi, ça surtout bien, ouais. Dans l'histoire, c'est toi qui es bien dans la merde. Avec ouais. Ça fait bien chier, quoi. Ah, mais c'est ça. Ouais. Il a quel âge, Jason, on vous demande? T'as 22. 22 ans. 22 ans, très bien. Mais bon. Tu la trouves distante, mais ouais, vous viviez pas ensemble. Non, mais c'est chelou, de toute façon. Non, mais ouais. On avait envisagé en plus de se prendre un appart. Oui, bah attends peut-être un peu. Ouais, là, je pense qu'il faut attendre. Attendez avant de faire des visites. Ouais, ça, c'est clair. Il vaut mieux. Non, mais de toute façon, il y a un truc quand. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu voulais dire. Ouais, quand la personne change. Ouais, ouais, ouais, c'est qu'il y a un truc chelou. Il y a une anguille sous la roche. Mais c'est quoi une anguille sous la roche. Non, mais c'est quoi? Elle répond pas à tes messages? Non, mais c'est quand je l'appelle, je lui dis, ouais, viens, mais vas-y, viens, on se voit bébé. Elle me dit, non, désolé, je dois sortir avec des copines, mais que des trucs comme ça. Mais je sais très bien, parce que moi, ces copines, mais je les connais toutes. Elles habitent tous à côté de chez moi. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Mais je vais les voir. Et je leur demande si elle est là. Et elle te ment? Ouais, et elle me dit non, elle est pas là et tout. Non, mais elle doit être avec lui, hein, pour un peu. Ou alors avec un autre. Je pense. Mais est-ce qu'elle est, par exemple, quand tu vas pour la toucher. Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, elle a un petit mouvement de recul où elle se raidit un peu? Ah, genre comme si tu l'as dégoûté. Genre comme par exemple, tu vas l'embrasser, tu sais, bon, tu bon, elle le fait, mais genre elle y va reculons, quoi. Genre du bout des lèvres. Oui, bonjour mon amour. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est ça, mais des fois quand on se voit, elle veut même pas m'embrasser. Ah ouais, moi laisse tomber, ouais, il y a un truc. Ouais. Une merde. Ouais, donc bien. Là franchement, je sais vraiment pas quoi faire. J'aurais voulu avoir des conseils des auditeurs, s'il y en a qui ont été dans le même cas. Faut que tu lui parles déjà. Non, mais que j'essaie de l'appeler. Là, ce soir, j'aurais voulu aller la voir. Elle m'a dit non, désolé, je suis en famille. Mais je sais très bien que ses parents, ils sont pas là, ils sont partis en vacances. Et tu peux pas y aller cash en lui disant, mais t'arrêtes. Tu prends pour un con. T'arrêtes de me prendre pour. Voilà, c'est ça. T'arrêtes de me prendre pour un con ou t'arrêtes de mitonner. Mitonner. Ouais, tu lui dis, tu me respectes un minimum, tu me dis quoi. Respect, the woman. Non, mais c'est vrai. Mais je lui ai déjà dit, mais moi, elle me dit que non, elle me prend pas pour un con. T'as essayé en lui hurlant dessus? Ah. Non mais non, mais quand même pas. Je suis pas quelqu'un qui gueule sur une fille. Non mais c'est pas bien. T'as raison de pas gueuler dessus parce qu'elle va se braquer. Non mais au bout d'un moment, si la meuf, moi, elle me dit non, y a rien. Tu sais, je pète un câble. Je lui dis maintenant, tu as arrêté de me prendre pour un con. Mais tu t'arraches le. Non mais ouais. Non mais sérieux, mais obligé. Mais tu réagis comme ça. Tu sais très bien qu'il y a un truc. Non, tu pètes un câble. Qu'il y a un truc chelou. Si la meuf, elle continue de nier comme Cédric. Nier comme Cédric. Mais oui. Okay, bah eh ben dans ce cas-là, moi ça me fait péter un câble. Je lui dis mais arrête de me prendre vraiment pour un con. Je vais devenir. Non mais déjà faut lui parler calmement parce que sinon elle va se. Ouais, mais moi c'est ce que j'essaie de faire. Mais quand j'entame la discussion, elle me dit bon vas-y, mais j'ai pas que ça à faire, mais à part. Et est-ce que t'as pas essayé, parce qu'il y a Samba là qui nous laisse un message qui est pas con, est-ce que t'as pas essayé d'arrêter complètement de l'appeler? Ouais. Comme ça elle va peut-être comprendre qu'il y a quelque chose qui t'énerve vraiment. Si, je l'ai fait pendant 2 jours, mais j'arrive pas à tenir. Et en fait. Elle, quand tu l'appelles pas pendant 2 jours, elle t'appelle ou pas? Ouais, elle m'envoie des messages, mais elle m'appelle pas. Et elle te met quoi dans les messages? Elle me dit, ouais, qu'est-ce que t'as mon petit cœur, que j'ai que des trucs comme ça. Tu vois, en fait. suis-moi, je te fuis, ou je sais plus comment assez... on dit. Ouais, mais t'as raison, c'est assez efficace, ça. C'est pas mon idée, c'est celle de Samba, mais j'avais eu la même, Samba, pour te cacher, entre nous. On peut tous dire. J'avais eu cette même idée qui est quand même géniale. Ouais, moi sinon, je pense que si ça me saoule vraiment trop, je la jette en l'air, quoi. Ou alors, ou alors tu lui dis. Après 2 ans, quand même. Ouais, non, mais je comprends, mais bon, je sais pas, est-ce que toi t'es prêt à supporter que elle soit avec un autre mec en même temps que toi? Je suis pas sûr. Non, mais non. Pas du tout. Ouais, donc voilà, si tu découvres le poteau rose. Ouais, ou alors elle est peut-être même pas avec un autre mec, mais elle a juste marre de votre histoire et elle sait pas comment s'en débarrasser. Ouais, mais ou alors elle s'est refourguée avec l'ex, hein, c'est possible. Ouais, enfin, qu'elle soit toujours occupée, machin. Ouais. Non, mais parce qu'avec son ex, on est devenus super potes en fait. Ouais, mais tu sais, ça veut rien dire. Il y a d'autres mecs en même temps. Ouais, il y a d'autres mecs, et puis le mec, ça peut être une salope. Hein. C'est possible. Ouais. Je propose qu'on fasse un petit tour de table tout de suite. Alors, on commence par Marie pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Marie, dis-nous tout. Non, mais moi, je pense qu'elle a soit quelqu'un d'autre, soit oui, elle en a marre de la relation, mais je pense qu'elle est sur un autre plan. Moi. Cédric. Ouais, je pense aussi qu'elle a un autre mec, moi. Mais je passerai à autre chose, moi, direct. Tu passeras à autre chose. Samy. Moi, je pense qu'elle revoit son ex du début. Aïe, aïe, aïe. Karim, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais next. Next. Romano. Ouais, moi, je pense qu'il y a un truc chelou avec l'ex, ouais. En tout cas, il y a un truc forcément parce que vu ce que tu nous as décrit, genre, quand tu vas pour l'embrasser, limite elle refuse. Ouais, ça c'est un peu bizarre. Ah oui, tu l'as dit. Genre toutes tes excuses, je suis avec des copines alors que t'as vérifié que les copines elles sont pas avec elles. Mais il y a forcément un truc chelou. Hein. Ouais, moi je pense aussi que c'est bizarre quand elle change comme ça. Bah oui. Moi je dis disparaît, mec. Ouais, ce que je ferais, je donnerais plus de nouvelles. Ouais, c'est clair. Voilà. Tu joues au lendemain comme ça. T'as dit quoi? Ça peut être un coup de foudre. J'ai dit, elle a changé du jour au lendemain comme ça, en fait. Ouais, mais parce qu'elle a revu son ex à une soirée, voilà. Ouais, c'est repassé à quelqu'un d'autre. Ouais, je pense. Zarzad de Cherbourg nous dit, à mon avis, elle a un autre mec. Moi, j'étais presque dans le même cas. Appelez-moi, message de Mikal. On va peut-être appeler Mikal. Ça, c'est sûr, elle te trompe, mec. Elle te trompe, man. C'est le message de Kakaman, justement, du 75. C'est une menteuse pour qui ne sache à jaillir. Elle te trompe. Message de Bigos. Marine, elle est peut-être enceinte de toi, elle ne sait pas comment te le dire. C'est pire que tout. Hein. Yacine, 17 ans, qui nous dit, j'ai vécu ça. On va te rappeler, Yacine. Elle est chelou, Tago, pour Kinshasa, là, sur SMS. 85, lâche-la, Moret. Ouais, lâche ta meuf, même chose pour Slim du 95. Oui, Achegué 59, lui dit, il faut la suivre. Ah, faire une enquête. J'ai vécu la même chose. Lâche l'affaire pour Ramos. Big up Ramos. Non, mais moi, l'avantage qu'il y a, c'est si tu la suis, tu verras où elle va et avec qui, quoi. Et là, si tu la vois galocher un autre mec, au moins, ça règle le problème. Tu la largues et puis terminé. Tu vas devenir dingue. Oui, non, mais bon. Moi, franchement, quitte à être cocu, autant le savoir le plus possible. Fan de Diffoul, il est d'accord. Il dit, espionne-la, suis-la. Ouais, moi, franchement, ouais, je pense que je ferais ça, au bout d'un moment. Après ouais, avoir lu Runic. Ouais, mais moi, je suis pas quelqu'un à suivre une personne, en fait. Ouais, mais au moins, tu seras fixé, hein. Bah ouais. Ouais, ouais, mais je sais que je serai fixé. Mais bon, après, moi, ses copines, des fois, quand j'ai eu des. Quand je me suis dit plusieurs. Mais plusieurs fois, je me suis embrouillé avec elle. Et plusieurs fois, ses copines, ouais, elles me disaient, ouais, elle est pas bien, va la voir. Et là, comme par hasard, ses copines, elles me disent plus rien. Ouais, bah pour rappel, elle le savent, mais. Ouais, non, mais de toute façon, il y a un truc. Il y a un truc. Non, mais il faudrait que t'arrêtes, ouais, de l'appeler, déjà. Ouais, pour voir comment elle réagit. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Comme disait Difool, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis tu lui dis, ouais, chaque fois que je t'appelle, t'es froide, donc maintenant je t'appelle plus. Ouais, voilà, c'est ça, je fais ma life, j'ai pas le temps. Tu m'appelles quand t'as envie, ouais, tu fais un peu le mec pas trop accroché, un peu le mec malheureux, un peu triste, un peu comme ça, tu vois. Et même comme elle, elle te dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le time, bébé. No time, bébé. Cette musique, elle vous met en batte dès que vous l'entendez. Ah ouais, c'est clair. Putain, c'est glauque. Ne pleure pas, Jason. Non. Tant mieux. Alors attends, on a Abdel au téléphone avec nous à qui il est arrivé la même chose. Abdel du 94. Bonsoir à toi, Abdel. Oui, bonsoir. Bonsoir, coucou. Bienvenue sur Skyrock. J'espère que tu n'es pas trop triste ce soir après cette dure histoire. Ouais. Enfin, on comprend que ça te rende mal, Jason. 2 ans d'histoire, tu peux pas tourner la page comme ça. C'est pas facile. Alors, Abdel. C'est pas très facile. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Moi, il m'arrive à peu près la même chose. Donc, une meuf qui change. Sauf que nous, on vivait ensemble. Ah, ça c'est encore pire parce que tu dois la supporter en plus. Voilà. Ah ouais, ça c'est l'enfer. Donc là, on vivait ensemble et l'histoire c'est que elle est enceinte et je l'ai appris une fois qu'on s'est séparés. Ah, parce qu'elle t'a largué. Mais pourquoi elle t'a largué? Elle t'a pas largué parce qu'elle était enceinte, si? Non, elle m'a fait. Mais elle est enceinte de qui? De la distance. De moi. Ah, de toi quand même, oui. Ah, de moi quand même. Ah, c'est d'autant plus chelou, t'imagines? Ouais. Donc je sais pas. C'est bizarre, pourquoi? Elle a inventé. Mais c'est quoi, elle voulait faire un bébé toute seule? Non, il y a une fausse couche et le bébé, elle le voulait. Elle le voulait sans trop le vouloir aussi. Mais elle le voulait, elle te l'a pas dit, elle s'est tirée. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. Elle a appris qu'elle est enceinte. Ouais. Moi, j'étais sur Paris, et parce qu'avant, j'habitais dans le sud. Donc, quand je suis redescendu, elle est arrivée et elle m'a claqué ça comme ça. Et elle a pris ses affaires, elle est partie. Donc, en gros, elle t'a annoncé que tu risquais d'être papa en même temps qu'elle t'a largué. Les filles, vous êtes quand même bizarres. Ça, c'est les hormones, ça, je pense. C'est les hormones. La meuf, elle est enceinte. Donc j'ai laissé courir et plus de nouvelles, plus rien, ça a pété et... À force de se prendre la tête. Moi aussi ça a pété. Oui mais pas pareil. De toute façon Voilà. Ah ouais putain c'est glauque. Ah ouais grave. Et toi tu t'en es remis, de toute façon elle est pas. Elle a pas eu le bébé, donc elle a eu. Ça a dû te soulager ça. Ouais. Et t'as jamais eu plus de nouvelles d'elle? Si, pendant encore 15 jours derrière, on se prenait la tête et depuis j'ai coupé les ponts et plus rien. Oui, et doit oui bon, de toute façon, quand on en arrive en à ce stade-là, oui, c'est clair. C'est mieux. Mieux. Oh, le stade de Vélodrome! Non, surtout! Là, vaut mieux tout arrêter, ouais. Et aujourd'hui, ça a dû être. J'ai appris par des amis. Elle a un mec, il a 2 fois mon âge maintenant. Ah, elle sort avec un cougar. Voilà, histoire de bien faire les choses. Donc 2 fois 21 égale 42. Pas mal? Voilà. Pas mal. Bravo en calcul mental. Oui, vous avez fait ça comme ça, rapide. De tête, quoi. Ouais, elle t'a peut-être fait ça parce qu'il devait pas être de toi, le bébé, nous dit B-Boy Lohan. Non, il était bien de moi. Ah, t'en sais rien, ça. Non, ça c'était sûr. Ouais, on est jamais sûr, tu sais. Je la faisais suivre et je savais. Ah ouais, putain. Carrément, t'avais mis toute une équipe. Parce qu'en fait, quand on a des doutes, c'est tout. On vient ensemble, c'est pas. Ouais, en plus, t'étais pas sur place, moi. Bon, qu'est-ce que tu vas faire après avoir entendu tout ça, Jason? Franchement, je vais suivre les conseils. Je vais prendre du recul, je vais plus l'appeler pendant un bon moment. Ah oui. Si elle est désagréable chaque fois que tu l'appelles, c'est peut-être pas mal, ouais. Tu vois, si elle revient. Celui-là. Il a dit qu'il n'était pas du style à suivre. Ouais, mais bon, je te dis, au moins tu sauras. Moi, je pourrais pas attendre. Si t'es pas du style à suivre, fais-la suivre alors. Ouais, parce que moi, je sais que mon petit frère, il parle beaucoup avec sa petite sœur. Donc après, moi, je pourrais demander à mon petit frère. Ouais, lance des enquêteurs. Ah oui, avoir des pistes. Le petit frère, il va se lancer dans la carrière de détective. Ça. Ouais, fais juste gaffe, moi j'aurais juste peur, parce que c'est déjà arrivé, on avait déjà eu ça, des témoignages. Genre celui à qui tu dis de suivre, au final, c'est lui qui se tape ta meuf, quoi. Bah vive le petit frère. Ah ouais. c'est ton frère quand même. Oui, l'enfer, non, c'est... Bah bon, ça c'est déjà vu aussi. C'est déjà vu, ouais, ce que j'allais dire. En même temps... En même temps. C'est rassurant. Bah oui, c'est pas mal. La radio libre de Difool, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Très belle conclusion. Voilà, je crois que c'est là, je crois qu'on est arrivé au bout. Non, pas tout à fait. Le Karim Comedy Club arrive dans un instant sur Skyrock. On vous dira dans un instant aussi. Là, le sommaire. Qu'est-ce qui va se passer demain dans la radio libre? Bougez pas.

Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Et oui, il est là, il est beau. Et ouais. Ah, c'est. Je suis bien beau. Karim, j'allais t'appeler Cédric. Mais... Non, c'est Karim. Parce que c'est pourquoi il a dit, il a failli se tromper en même temps, parce que j'ai dit, il est beau, il s'est dit Cédric. Ah, bah, ouais, c'est bon. Tu le kiffes, en fait, tu le kiffes en secret. Ouais. Il aura fallu attendre l'été 2016 pour savoir que tu kiffais Cédric. T'as raison, jamais de la vie. Mais les deux, ils se kiffent. Ouais, mais t'as oublié ta gothique alors, ça y est. Non, mais ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai carré but de la vie, c'est serrer Cédric. À la rentrée, quand on revient de vacances, tu nous fais un truc du style ça y est, j'ai une révélation à vous faire cet été, Cédric. Je me suis branlé sur lui. Oui. Ah non, oui, putain. Ah, quelle horreur, mais ah, c'est pas ça. Ah, si c'est ça, j'en reviens sans main, les gars. Ah, moi, je reviens plus de vacances, on fait pas ça. Ah, bah écoutez, on va voir. Bah, attends, pour une fois que t'exciteras quelqu'un. Vu-moi la rentrée. Bon, c'est parti. Pour le Karim Comedy Club. Oui. Alors, on commence avec une blague de Shinobi. Shinobi. Ouais. Alors, une blague, t'as les cons. Hmm? Pourquoi Marie aime bien les paysans? Parce qu'ils ont des grosses bites. Non, pourquoi Marie aime bien les paysans? Alors, pourquoi Marie aime bien les paysans? Romano, toi qui as vécu en Bourgogne et précisément dans la ville de Tain. Parce que, je sais pas, elle aime bien se faire remuer le terreau ou se faire taper dans le fumier. Je penserais plus à ça, moi. Elle aime bien se faire taper dans le fumier. Ouais, pas loin, parce qu'il labourbe bien. Parce qu'il labourbe bien. Évidemment, oui. Bah, évidemment. Et j'en ai une autre d'Andrea. Alors, c'est un Portugais, en fait. Il bosse, il est maçon. Et ah, viva Portugal! Portugal! J'ai la trouelle et la spatoule. Donc, son patron, il l'envoie sur un chantier. Donc, il doit faire le mur d'une maison chez une dame. Donc, le Portugais, il arrive, il sonne à la porte. La meuf, elle ouvre et lui mais dit. Mais la portugaise ou pas? Non, à la porte de chez la cliente. Donc, la meuf, elle ouvre la porte. Il lui dit bonjour, je vais faire le mur. Là, la meuf, elle lui dit non, mais ça va pas, elle claque la porte, tu vois. Là, le Portugais retourne au boulot, il dit à son patron, ouais, la meuf, elle m'a claqué la porte. Le patron lui dit, ouais, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Le Portugais lui dit, ben, je lui ai dit, je viens de faire l'amour. Et le patron lui dit, ouais, mais elle t'a répondu quoi? Elle m'a dit, mal au trou. Mal au trou, mal au trou. Oui. Et on big up tous les Portugais qui nous écoutent, oui, notamment la gothique de Romano, qui va peut-être se faire dépasser par Cédric dans l'échelle de l'amour de ton cœur, Romano. Bacalhau, bacalhau. Imagine, premier de l'échelle de l'amour, Cédric, deuxième, la gothique. Wow, putain, la tristesse de ma vie. Ah ouais, vie de merde. Bon, demain, attention, grosse soirée aussi, je vous l'annonce. Oui. Avec Galère Woman, qu'on va vous présenter dans l'émission. Ah, ça arrive. Merde. Vous connaissez des gens qui ont plein de galères, vous avez vous-même plein de galères. Eh bien, c'est la galère. Galère. Non, toi, c'est plus l'embrouille. Cédric, et on aura justement Théo. Il va nous parler d'une petite embrouille qui lui arrive, ou une grosse embrouille. On verra. On aura un champion du monde dans l'émission aussi. Carrément, quoi. Ouais, carrément. Un champion du monde. Champion du monde, champion, mon frère. Et puis, un message pour vous, les filles. Alexandre, qui a malgré tout un gros reproche à vous faire. Donc, soyez là dans l'émission ça demain. Alexandre, 19 ans, sera là aussi. Ça va être votre fête. Et puis, les moments qui déchirent dans l'émission, évidemment. Pendant l'été, on en profite. C'est la spéciale de l'été. Demain soir, on vous souhaite une bonne nuit. Bah, profitez bien. Bonne nuit. Restez bien sur Sky. C'est là que ça se passe. Et bisous. Et bisous à toute l'équipe. Ouais. Ciao. Allez, salut. Plus écoutez que Hot 97 à New York. Plus écoutez que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rap et R&B la plus écoutée au monde. C'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.